Bon, merci bienvenue. Depuis qu'on a rentré les causes, c'est assez difficile de faire venir le public, donc on peut dire que ceux qui se déplacent sont courageux. Parce que c'est ça. Et ça nous fait plaisir d'avoir, bon, c'est pas ridicule, on n'est pas froid. Donc aujourd'hui, donc, vous êtes dans un lieu, la plupart d'entre vous viennent pour la première fois. On pourra en discuter après. Je vous dis deux mots. Centre international de recherche sur l'anarchisme, créé en 1965 par René Biancourt. Et le but de cette association, c'est une association de 1901. Son but, c'est de recueillir tous les documents qui ont rapport avec l'anarchisme, les pour, les contre et toutes les tendances. Donc, on a la principale activité, c'est une bibliothèque, des journaux, des archives qui peuvent cataloguer, mettre à la disposition du public. Après, on aura un petit dépliant. Si vous voulez revenir tranquillement, c'est ouvert du lundi au jeudi après-midi. Et puis, on organise, alors avec le Covid, malheureusement, c'est un peu tombé à l'eau. Mais on organisait tous les mois ce qu'on appelle une causerie. Alors, causerie, on préfère ce terme-là à conférence. Causerie, c'était le terme qu'employaient les anarchistes individualistes au début du 20e. C'est les causeries populaires de Libertad. Et donc, en général, on fait venir un auteur, bon, lui qui a rapport plus ou moins loin, mais là, il n'est pas si loin que ça avec l'anarchiste, qui présente son bouquin. Ça peut être sur des luttes, ça peut être sur d'autres choses. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Bruno Sorès, que je pense que presque tout le monde connaît ici, qui est président fondateur de l'association Naturiste Océane, une des associations de Cupos, qui en a peut-être d'autres, je ne sais pas. À Marseille, non. Avant, il y en avait d'autres. Oui. Il y en avait plusieurs en même temps. D'accord. Donc, on va le voir. Voilà. Et donc, pourquoi parler du naturiste dans un lieu anarchiste? Eh bien, suspense, Léo va vous expliquer le rapport. Alors, ce n'est pas tout le bouquin, c'est une partie du bouquin, mais quand même, c'est assez important, par contre. Donc, voilà. À toi la parole. Bienvenue à tout le monde. Je viens aujourd'hui vous parler du naturisme. C'est un sujet qui n'a pas été souvent abordé, à mon avis, ici. Peut-être c'est la première fois même. Donc, j'ai eu cette idée en 2001 de faire des recherches sur l'histoire du naturisme à Marseille. Parce qu'un jour, il y a un ami qui m'a envoyé trois photos anciennes des années 30, de très mauvaise qualité, où on voyait, enfin, on pouvait deviner qu'ils étaient nus, mais ce n'était pas si évident parce que les photos étaient de mauvaise qualité. Un groupe de baigneurs marseillais qui étaient sur les rochers et qui nageaient. Dans les calanques de Marseille, précisément où, on ne l'avait pas dit, je l'ai découvert plus tard. Et donc ces photos-là, en noir et blanc de Marseillais, dans les années 30, ce béninus, ça me paraissait tellement fou qu'à cette époque, très pudibond, où la moralité chrétienne était très présente, qu'on puisse se baigner nu alors que les gens étaient presque habillés en pyjama pour aller se baigner. Donc j'ai voulu en savoir plus, donc c'est avant tout la curiosité qui m'a fait faire des recherches. Et puis à l'époque, en 2010-2009, il commençait à avoir la création du Parc National des Calanques. Et donc moi je faisais du naturisme déjà depuis les années 2000-2001. Et il m'a paru intéressant de défendre et de promouvoir le naturisme dans le but de le préserver. Pour qu'il soit reconnu au sein d'une institution nationale comme le Parc des Calanques. L'histoire de dire, voilà, on existe, on est là, et on existe en plus depuis très longtemps, donc il faut nous reconnaître au même titre que les pêcheurs, les cabanonniers, les chasseurs, les randonneurs, les alpinistes, etc. Donc j'ai essayé de faire des recherches sur Internet d'abord, hein, c'est ce qu'on fait en premier, on va sur Internet, on regarde, rien. Mais absolument rien sur le naturisme à Marseille, l'histoire du naturisme à Marseille. Les photos, je ne les retrouvais pas, donc on m'avait envoyé. Absolument rien, donc j'étais un petit peu désœuvré. J'ai discuté un peu à droite, à gauche, au niveau des vieilles connaissances, ils n'en savaient rien. Même des anciens naturistes, ils n'en savaient rien. Donc du coup, ben, j'ai acheté des magazines que j'ai apportés ici, pour donner un petit peu des exemples. Des vieux magazines naturistes des années 30, que j'ai découvert un peu... en faisant des recherches. Certains magazines, c'est coûte un petit peu cher parce qu'ils n'étaient pas forcément distribués à beaucoup d'exemplaires. Et donc, c'est là que j'ai découvert que le naturisme à Marseille existait depuis ben, presque 120 ans. Et donc, les vieilles photos, je vous les montre. Voilà, c'est pas évident, voilà. Voilà, vous voyez, c'est des photos comme ça. Comment on va envoyer? Donc là, elles sont en bonne qualité. Alors imaginez en mauvaise qualité, on voit quasiment rien. Donc on imagine qu'ils sont, on voit plus ou moins, enfin, sur mon ordinateur, j'arrive à le voir, mais on voit plus ou moins qu'ils sont nus. Alors j'ai appris par la suite que c'était au Frioul. Que ces photos-là avaient été prises au Frioul, dans un magazine suisse Die Neue Zeit, que je ne prononce pas forcément bien, qui veut dire la nouvelle vague. Et c'est à peu près ça en allemand. Die Neue Zeit. Die Neue Zeit. C'est ça. Je ne sais pas pour l'allemand, hein, ceux qui en doutaient. Et donc, au Frioul, en fait, en 1930, des docteurs naturistes, en fait, des précurseurs du naturisme marseillais, que nous allons aborder plus tard, avaient été très proches de la mairie à l'époque, le maire, le docteur Ribot, qui s'occupait de la partie, la question de l'hygiène à Marseille avant d'être maire. Et ils ont appris que l'hôpital Caroline au Frioul était libre, puisqu'à l'origine, il dépendait de la marine. Et il était inoccupé, donc ils ont été autorisés à occuper l'hôpital Caroline pour, on disait se réaliser à l'époque. C'est-à-dire, on ne disait pas faire du naturel, ce qui est comme expression totalement ridicule d'ailleurs, à la base, faire du naturel ça ne veut rien dire. Mais à l'époque on disait se réaliser. Se réaliser c'était se retrouver en pleine nature, se retrouver soi-même, s'épanouir en pleine nature. Et donc, ils avaient l'autorisation d'occuper l'hôpital Caroline avec la seule restriction de ne pas sortir de l'hôpital Caroline, ne pas aller sur les côtes, sur les plages. Ce que vous voyez, ben, ils faisaient quand même. Oui. Donc là, c'est une photo aussi, on voit, on devine là, Marseille, on le voit bien sur l'ordinateur. Oui. C'est alors, film d'Ellis, le vrai nom c'est Dudley Ellis. D'Ellis, ça n'existe pas, c'est un pseudonyme. Dudley Ellis était le président d'une association marseillaise. Et notamment cette photo qui est assez étonnante. C'est une photo de toute prise au lazaret de l'hôpital Caroline. Le lazaret, c'était là où ils faisaient la messe pour les malades. Et autour, donc là, sur les côtés, il y avait des vitres qui permettaient aux malades de chaque côté de regarder la cérémonie. Bon, maintenant, là, il a été détruit à cause des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et il est actuellement rénové par une société financée par les mécènes. Et une des rares photos des années 30 en couleur de naturistes marseillais sur les rochers du Frioul. Donc c'est à partir de là où je me suis dit ça serait intéressant, puisque finalement je ne retrouve aucune information sur internet, je ne retrouve aucune information dans des livres, parce que les livres d'histoire du naturiste ça existe, il y en a plein, mais en général c'est des livres d'histoire du naturiste sur le plan national. C'est rarement sur une ville ou sur un lieu propre, à part le Levant, où il y a plein de livres sur le Levant, à part peut-être un petit peu l'histoire de CHM Montalivet en Aquitaine. Sinon, il n'y a pas d'histoire du naturisme en Bretagne ou dans les gorges de l'Ardèche. Pourtant, ce serait très intéressant comme sujet aussi à développer. Alors, pour démarrer, je voudrais vous faire participer un petit peu, puisque parmi vous, il y a des non-naturistes. Alors, entre naturistes, on appelle les non-naturistes et textiles. Ce qui pour moi est un petit peu discriminatoire quand même. Hein, sur les bords. Les non-naturistes, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus l'idéal. Mais alors, je voudrais m'adresser spécifiquement à eux. Qu'est-ce que représente le naturisme pour vous? Quelle image vous en avez? Quelle valeur ça inclut? Qu'est-ce que ça vous inspire comme activité, comme art de vivre? C'est quoi le naturisme finalement pour vous? J'ai l'impression que c'est être en pleine nature, dans l'appareil le plus naturel qui soit. Et comme valeur, est-ce que c'est des valeurs, on va dire, familiales, des valeurs de santé, des valeurs de liberté? Tu as donné les réponses. Il y a les trois. Après, pour moi, bon, j'ai fait un petit peu comme ça, mais pas dans un cadre associatif, mais c'est donc, le maillot de bain, c'est ridicule. Maintenant, les maillots de bain sont de plus en plus petits, puis autant être à l'aise pour nager, tout ça. Après, le seul truc, c'est à une époque, je pense que le soleil était bon pour la santé, mais après, ça, il doit falloir connaître la dose, parce que maintenant, tout le monde dit que c'est pas bien de se mettre au soleil, qu'il y a des cancers de la peau et compagnie. Oui, mais ça c'est vrai, mais par exemple, quand on dit que le cancer du sein, c'est à cause du soleil, c'est ridicule. Tu as le cancer du sein... Tout le contraire, en fait. Il paraît que quand on se met au soleil pendant une durée limitée, bien entendu, ça protège du cancer du sein. Surtout qu'en général, les femmes maintenant, enfin, certaines jeunes mal informées disent « je mets le haut parce que j'ai pas envie d'avoir le cancer du sein ». Et chez les hommes aussi, ça existe, le cancer du sein. Oui. Alors, donc on va mettre en haut les mecs aussi. Pour ne pas avoir le cancer du sein. Après, ça changera un peu. Donc bon, c'est, après, c'est rare hein, qu'il y ait des cancers du sein chez l'homme, mais ça existe. Après, comme idée, il y a quand même que tout le monde est nu, donc il n'y a pas les différences sociales liées Dans ces genres-là, il peut y avoir un juge. Tu vas nous le dire, mais il doit y avoir peut-être un juge, un flic et puis un prolo, je ne sais pas. Exactement. Alors dans les années 30, le naturisme à Marseille, mais aussi en France, hein, c'était un peu moins le cas en Espagne ou en Allemagne, en France c'était assez élitiste. Ça concernait quand même l'aristocratie, des gens assez instruits, des docteurs, des médecins. Il y avait même des associations qui autorisaient les adhésions uniquement au milieu médical. Il fallait être soit médecin, soit infirmier, soit sage-femme, soit avocat, juriste, voilà. Le simple ouvrier n'avait pas la possibilité d'adhérer parce qu'il était susceptible de ne pas avoir suffisamment une ouverture d'esprit, enfin, suffisamment indiqué, de ne pas avoir de préjugés, ne pas chercher autre chose. Ça a changé assez rapidement. Mais en France, c'était plutôt ça. Tandis qu'en Allemagne... En Espagne, c'était lié aux syndicalistes, c'était plutôt des anarchistes individualistes. Oui. Mais il y avait beaucoup... Là, il y a des revues, il y a des textes... J'apporte un magazine espagnol, d'accord. Et donc, j'ai listé un petit peu... En Allemagne, tu présentais. En Allemagne. Oui. C'était très ouvert, en Allemagne. En Allemagne, c'était très ouvert. Et en Allemagne, il y avait la particularité... d'avoir des associations, enfin je ne suis pas encore très calé sur l'histoire du naturisme allemand, j'ai deux gros bouquins à lire, mais il y avait la particularité d'avoir des associations liées en fonction des sensibilités politiques. Il y avait des associations naturistes socialistes, des associations naturistes un petit peu sur la droite, socialistes, mais après il y a eu quelques associations qui ont épousé les thèses national-socialistes. Il y en a assez, une minorité quand même. Hein. Après ils ont été influencés par le fait que s'ils épousaient les thèses du Troisième Reich, ils gardaient leur terrain. Parce que sinon, les autres, il y en a une grosse majorité qui a refusé d'épouser les thèses du Troisième Reich, leur terrain était privatisé, était confisqué. Et leurs biens aussi. Il y a même eu des prisonniers d'associations, de conseils d'administration naturistes qui ont été dans les camps de conservation en tant qu'opposants politiques. Ils n'ont pas été classés en tant que naturistes dans les camps de. Ce n'était pas les camps de conservation, c'était plutôt les camps de. Le travail. Mais ils étaient classés dans opposants politiques parce qu'ils étaient soupçonnés d'être ennemis de l'État, ennemis communistes, tout ça. Donc en fait, ce que représente le naturisme, pour moi, j'ai fait une petite liste un petit peu. Ça représente, comme on l'a dit, une sensation de liberté, une sensation de bien-être, une sensation de s'émanciper un petit peu des conventions sociales, des prix vestimentaires. Il y a aussi un esprit familial. Alors dans l'esprit familial, ça ne veut pas dire. La famille hétéro avec enfant obligatoirement, hein. C'est dans l'esprit familial, ce qu'on entend dans le naturisme par là, c'est tout ce qui peut être la vue d'un enfant. Un enfant, à partir du moment où il assiste à une activité saine et naturelle, et c'est une activité familiale. Il peut avoir Il y a des couples homo, il y a des couples lesbiennes, il y a de tout. Mais l'esprit familial, c'est ça. C'est pas uniquement l'image qu'on se fait de la famille catholique. C'est juste le cadre, en fait. Et le naturisme est intergénérationnel dans le sens où il y a tous les âges, sans jugement sur l'apparence physique. Il est mondial dans le sens où ça concerne tous les pays démocratiques. Le naturisme, c'est une sorte de baromètre de bonne santé d'un État. Si le naturisme est interdit, ne peut pas se réaliser dans un État, c'est que soit la religion et l'État est trop présente, soit c'est une dictature. Et à l'inverse, là où les gens sont couverts intégralement S'ils sont couverts intégralement, c'est par rapport à une religion d'État ou une dictature présente. Alors il peut y avoir une exception, comme le Japon, où le Japon naturellement n'existe pas. Pourtant, c'est pas une dictature, il n'y a pas une religion d'État, mais il y a une forte cliponderie qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vraiment une exception, je pense. Hein. Parce que le naturisme existe aussi bien au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Quoique aux États-Unis, ça dépend des États encore. Mais par exemple, dans le Vermont, on peut être mis partout. Et dans d'autres États aux États-Unis, la nudité est formellement interdite. Donc aux États-Unis, c'est un peu particulier. Mais ça existe en Finlande, ça existe dans tous les pays démocratiques. Le naturisme aussi revêt une forte recherche de la santé par une bonne hygiène de vie, le sport, le bien-être, l'hédonisme, c'est juste le fait de bien se sentir, de avoir du plaisir d'être nu en pleine nature, de sentir les éléments autour de soi. Alors le naturiste n'est pas supérieur au non-naturiste, hein. C'est pas parce qu'on est naturiste qu'on est sain de corps et d'esprit, qu'on est plus fort que tout le monde, c'est juste un penchant à rechercher ses bienfaits. Le naturiste est censé ne pas forcément s'adonner à l'alcoolisme de façon, régulière, ou le tabac, etc. Il ne va pas passer sa journée dans le bar en train de s'enivrer. Enfin, ça, c'est l'idéalement, quoi. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de naturiste absolue. Hein. Mais voilà, c'est les recherches de ces valeurs-là. Le naturiste est éducatif, dans le sens où on apprend à l'enfant d'être tolérant, d'avoir le respect des autres, et de ne pas juger les gens selon leur physique. Et il apprend aussi à s'aimer comme il est, à apprendre à s'accepter comme il est. Il y a aussi une recherche de défense de la nature, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour la défense de la nature, dont la mienne d'ailleurs, on a fait partie des associations qui ont porté plainte contre Altéo, contre le rejet chimique des boues rouges ou la roche de Cassis. Aussi, on est actif dans le projet de contre le projet de construction d'une résidence immobilière sur le site de Le Grément, un site pollué. Et puis, les associations font aussi des actes de protection de l'environnement pour protéger les plages, le nettoyage de plages, etc. Et je voulais terminer en disant que le naturisme, dans le monde et en France, est régi par une fédération nationale. Dans tous les pays, il y a une fédération, et la fédération française existe depuis 10 ans. Donc une fédération, c'est ça, c'est fédérer toutes les associations existantes pour les aider et les conseiller. Donc nous voyons que le naturisme a plusieurs origines, et j'ai fait ce petit graphique là, ce petit schéma, il y a à peu près 5 ans, et je me suis dit que ça serait intéressant d'exposer, même s'il n'est pas parfait, il est un peu brouillon, je l'avoue, hein. Mais je le referai. Et en fait, j'ai voulu montrer que le naturisme avait principalement trois axes comme origine. J'ai mis les peuples premiers qui ont donc donné l'appel de Rousseau, l'adamisme, c'est une religion qui est apparue au 1er siècle après Jésus-Christ, qui avait pour but de recréer le jardin d'Adam. Donc en fait, c'était des sectes religieuses catholiques qui voulaient retranscrire le jardin d'Adam. Ils se réunissaient nus, qui est nu. Alors des fois, ça s'est remis un petit peu en orgie. Hein. Des fois, c'était un petit peu l'excuse. Mais il y en avait certains qui étaient vraiment dans la foi et d'autres qui étaient, c'était plus une excuse. Mais ça existait jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle quand même. Il y a eu plusieurs courants comme ça. Forcément, ils ont. Les catholiques n'aimaient pas ça, ils ont été exterminés. Il y a eu c'était les Francs, c'était pas. Les Fraticelli. C'était une secte de adamisme qui a existé. Je ne sais plus si c'est existé à Aix ou en dehors de Marseille. Et donc, il y en a trois qui ont été emmurés vivants du côté des Accoules. Ouais. Enfin, il y en a. Les trois qui ont été poursuivis, ils ont eu le choix. Soit ils acceptaient, soit ils reconnaissaient leur foi, ils reconnaissaient leur tort, parce que c'était, bon, c'était lié presque au satanisme, donc là, c'était contre les catholiques, contre les autorités religieuses de l'époque, donc c'était satanique, et c'était des rebelles. Donc soit ils avouaient, soit ils reniaient. S'ils avouaient, ils étaient brûlés, et s'ils reniaient, ils étaient emmurés vivants. Oh là là. C'est pas ce qui est mieux. Donc il y en a un qui a avoué, il a été brûlé, et l'autre, les deux autres, ils ont été emmurés vivants. Mais c'est des très minoritaires, hein. Les fratricés, oui, alors, il y a eu plusieurs courants, hein. Il y a eu les derniers qui ont existé, alors c'est un nom imprononçable, c'est les Doukhobor. Doukhobor, ils étaient en Russie, puis après ils sont partis, suite à la révolution, ils sont partis se réfugier en Canada, au Québec, je crois. Ouais. Et c'était gros groupe, les Doukhobor. Ouais. Et oui, c'était une minorité, mais bon, ils ont été poursuivis quand même. Mais ils ont existé pendant quasiment 17 siècles. Hein. Ouais. Donc, enfin, bon, donc du coup, le second axe d'origine du naturisme, selon moi, c'est la médecine hippocratique. La médecine hippocratique qui a donné la médecine naturiste et la médecine néo-hippocratique. En fait, à la base, il faut savoir que le naturisme. La première fois où le mot naturisme est apparu dans la littérature, c'était en 1749, je crois, ou 1747. C'était pour dire, c'était se référer à la nature. C'était prendre pour guide la nature. Ça n'avait rien à voir avec la nudité, en fait. C'était juste prendre des préceptes naturels pour que l'homme reste en bonne santé. C'était pas forcément pour soigner le malade. C'était juste pour permettre à l'homme de rester en bonne santé, c'est-à-dire qu'il soit mis dans les meilleures dispositions pour garder la santé. Et puis après est apparue l'idée de se mettre nu en pleine nature pour favoriser le fait que l'homme devait être plus fort, s'aguerrir en fait, notamment l'exposer à des températures assez froides pour qu'il soit plus fort. Donc après, le troisième axe que j'imaginais, c'est plutôt la culture germanique que Rousseau a beaucoup influencé avec la freie corpeur culture, c'est la libre culture du corps. Voilà. Et donc, l'anarchisme, je l'ai mis là. L'anarchisme, en Allemagne, a beaucoup incité l'émergence du scoutisme. Et en France, ça a été l'agisme, les auberges jeunesse, l'agisme. Et le naturianisme, c'est un courant donc directement en relation avec l'anarchisme. Le naturianisme, c'était les naturiens. Les naturiens, c'était des naturistes qui voulaient vraiment recréer, remettre l'homme au sein de la nature sans aucun bien matériel, pour casser avec la civilisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des naturiens. C'est quelque chose qui a existé pendant 20-25 ans, un courant qui a existé pendant 20-25 ans. Bon, ils étaient très surveillés par l'État parce que, bon, le anarchisme, tout ça, ils étaient. Tout ça, ça a donné le naturisme avec le courant nudiste parce que, comme le naturisme était en relation avec le milieu médical, avec le fait que c'était des préceptes hygiéniques, il y avait des centres naturistes qui n'étaient pas forcément, où la nudité n'était pas forcément de règle. Il y avait des centres naturistes dans les années 30 où le maillot était obligatoire. C'est juste parce qu'il était interdit de manger de la viande, tout ça. Donc du coup, il est apparu le mot nudisme, pour que ça soit clair pour tout le monde. Maintenant, le nudisme, c'est plus sujet à caution. Maintenant, quand on dit quelqu'un est nudiste, c'est juste parce qu'il cherche à bronzer sans marque de maillot. Alors qu'avant, on disait nudiste pour être clair, quoi. Donc, comme le dit un des précurseurs du naturisme marseillais, le docteur Joseph Poussel, vous voyez que le naturisme est pluriel, puisqu'il est issu de plusieurs courants de pensée. Et ça, il l'a dit dans un bouquin qu'il a écrit en 1933, le naturisme d'Avicenne. Il a rajouté, on ne devrait pas parler de naturisme, mais des naturismes. Et vous voyez qu'à la fin, on va faire un rapprochement avec ça, avec une nouvelle que je vais vous annoncer pour 2024. Et donc, le mouvement naturiste a plusieurs origines, dont l'anarchisme, avec notamment Élisée Reclus, que vous devez connaître ici. J'espère d'ailleurs pouvoir faire une conférence un jour sur Élisée Reclus, quand j'aurai fini de gérer ces 6 tomes de l'homme de terre, que j'ai commencé à lire. Donc la particularité du naturisme marseillais, c'est qu'il a principalement eu lieu dans des lieux sauvages, qui n'étaient pas forcément autorisés d'ailleurs, on naturise en plus, comme dans les calanques. Donc nous commençons par les naturistes qui ont existé à Marseille. Nous avons en premier Théo Varlet, qui était un poète cassidien. On l'appelait, on le surnommait le poète cosmique. Il était à la fois astronome, microbiologiste, traducteur de textes étrangers, philosophe, scientifique, écrivain et anarchiste. Il a découvert le naturisme, enfin, il a découvert les calanques et Marseille par le biais de son ami Jean Baptus, qui était peintre. Et c'est là qu'il a décidé de s'installer à Cassis, et en 1905, et qu'il a découvert également l'île du Levant, où il y allait régulièrement avec sa femme, d'où est extrait ses poèmes aux îles Bienheureuses, où il parle de ses séjours au Levant. Donc il était au Levant, nu, bien avant la création de Héliopolis par les docteurs Durvel qui ont acheté le domaine en 1930. Après, il y a un autre peintre, Joseph Indine Perti, qui allait dans les calanques peindre ses modèles nus. Et là, nous le voyons là, avec ses modèles en photo. Là, nous avons notre peintre, notre artiste, Jean Murat, qui a peint un Allemand qui a fui l'armée du Troisième Reich en 1941, qui est venu s'installer à Marseille avant que l'Allemagne n'envahisse la zone libre, et il s'est réfugié dans les Calanques. Après, quand les Allemands étaient à Marseille, que les Calanques ont été interdites et fermées par les Allemands, je ne sais pas où il est allé se réfugier. Et cette peinture date d'avril 1942. Et il est resté après à Marseille après la guerre. Là, c'est Jean Murat à peine, pour ceux qui connaissent la Lèque, là, c'est les rochers de la dalle de la Lèque, un lieu fréquenté par les naturistes. Et là, on voit le Cap d'Anjou. Donc, la véritable histoire du naturisme à Marseille commence par un abbé, l'abbé Urbain Le Gré. L'abbé Urbain Le Gré, en 1907, a eu l'idée, à la suite d'un séjour qu'il a fait à l'île de Java, dans le cadre d'une commande faite par l'État pour des recherches botaniques, a découvert des peuples qui vivaient nus en toute simplicité, sans aucun problème, en famille. Et donc, quand il est revenu à Marseille, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient malades de la tuberculose, qui étaient atteints de rachitisme. Et bizarrement, en Indonésie, là-bas, à Java, il y a des personnes qui étaient malades de ça. Et il a décidé de mettre en place des sorties avec l'autorisation du diocèse et l'autorisation des familles, avec des enfants, pour les aguerrir par l'exposition à la nature, en nudité totale, avec des bains toute l'année. Et avec ces enfants-là, ils faisaient des exercices comme des sorties en canoë, de l'escalade. Ils allaient un peu partout, ils allaient dans les calanques. Du côté, ils faisaient des séjours dans les Alpes, des séjours dans les Pyrénées. D'ailleurs, ils préféraient les Pyrénées aux Alpes. Et c'était quelqu'un de très instruit. Et ces enfants le trouvaient tellement laid qu'il avait un surnom, il l'appelait Bijou. C'était pour se moquer parce qu'il était très bien, en fait, il parle. Et donc, j'ai acheté ce livre-là, qui a été écrit par un de ses anciens élèves, qui est disponible à la Bibliothèque nationale de France. sa vie, son œuvre d'éducateur, et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Donc, il a été très grand seigneur de Montalivet, il a entamé des études de philosophie et de théologie, il a été aumônier au couvent des Sœurs du Saint-Sacrement. En 1892, il devient professeur de mathématiques, chimie et physique au collège de garçons du Sacré-Cœur. Il a été licencié en géologie, botanique et mathématiques. Il était amoureux de la nature avec un projet éducatif original. Il faut savoir que son père, Ludovic Legris, était un copain et l'avocat de Frédéric Mistral. C'est lui qui a défendu le projet de Mistral d'écrire sur Cassis. C'est lui qui a fait découvrir Cassis à Frédéric Mistral. Et donc, Legris, avec ses séjours dans les Pyrénées et dans les Alpes, il a été précurseur du scoutisme. Il accomplit ainsi pendant 20 ans une double tâche d'enseignant et d'éducateur moral, méthode basée sur trois enseignements dédiés respectivement au corps, donc par rapport à la nudité, à l'esprit, par rapport à l'étude de la philosophie, des mathématiques, et à la morale, mais morale donc chrétienne. C'est une éducation complète dont le but était d'aguerrir les individus. À son décès, ses élèves créent une stèle sur les hauteurs des Goudes que l'on peut voir encore actuellement. Alors sur la stèle, il y a un petit écrit, il y a un petit hommage qu'on n'arrive plus à lire, qui est complètement effacé, que j'espère faire rénover par des gens du coin, là, du village. Et j'ai retrouvé le texte dans le livre de son ancien élève, le docteur Deluma. Alors, on finit par une petite citation de Deluma. Véritable apporte du grand air et du soleil, il voyait dans l'air et le soleil les grands dispensateurs de l'énergie physique et de la force vitale. Alors la force vitale, ça fait référence au vitalisme. C'est la médecine vitaliste qui est une sorte de synonyme de la médecine naturiste. Le vitalisme, c'était en rapport avec les forces vives du corps pour maintenir les gens en bonne santé. C'était toujours plus ou moins en relation avec Dieu. Mais il y avait toujours l'âme, parce qu'à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, il n'y avait pas de médecine officielle, il n'y avait pas la science n'existait pas. C'était toujours plus ou moins en relation avec Dieu ou la nature. C'est-à-dire, si on était en bonne santé, c'est parce qu'on il y avait toujours une question de l'âme qui était dedans. D'ailleurs, là, il y avait la médecine animiste à l'époque. Et donc, la force vitale, c'était la force vive du corps. Et je sais pas, vous avez un petit peu comme ça, vous avez peut-être un commentaire à dire, non ? Non, parce qu'il y a plusieurs interprétations. La science au XVIIe siècle, c'était pas forcément la science du XIXe. Il y avait beaucoup de... C'était plus des interprétations philosophiques qu'autre chose que scientifiques. Alors, un des précurseurs du naturalisme marseillais, c'était le docteur Joseph Poussel. Ça a été un des précurseurs principaux, qui a donc écrit le livre en 1933, Le naturalisme et la vie, La joie d'être sain, qui a été le livre de chevet du naturalisme français pendant plus de 40 ans, puisqu'on retrouve encore des articles, enfin j'ai retrouvé encore des articles qui datent de 1970 faisant la promotion de ce livre dans des revues naturistes. Il a fait deux livres sur la lutte contre le tabagisme. Il a été président de la Ligue contre le tabac qui a existé en 1925, il me semble, et qui a été dissous à la fin des années 60. C'est un peu le précurseur de la Ligue contre le cancer. Et là, nous le voyons, enfin, on l'imagine en tout cas, pour ceux qui le... On l'imagine là à droite, ici, lors d'une sortie avec les libres culturistes de Provence, dans les Calanques. Et là, on voit ici Sormillon. Pour nous, on sait, c'est Sormillon, hein, dans le grand Marseille. Donc, le docteur Poussel... Dans son livre, dans un de ses livres, il dit notamment qu'il a connu l'abbé Urbain Legris et il a pu attester des biens du comportement sain, normal, sans aucune forme de ce qu'on pourrait imaginer actuellement. Quoi. Donc, il a été chef de service en 1919 à l'hôpital de la Conception. son service de chirurgie étant à prédominance pédiatrique. Il dirigeait aussi une petite clinique située au 16 rue des Abeilles, dans le quartier de Saint-Charles, et s'occupait des enfants d'une sanatorium Saint-Martin de la Corniche. Son service y pratiquait d'autres chirurgies infantiles, traitant des malformations congénitales osseuses, ainsi que beaucoup d'orthopédies infantiles correctrices, suivies d'héliothérapie et de toutes les techniques naturelles pour cicatriser et rééduquer l'os chez le nourrisson et l'enfant. En fait, après la conception, il avait une sorte de sanatorium, une sorte de grand balcon devant son bureau, et il faisait malade avant les opérations et après les opérations. Alors forcément, il ne les exposait pas pendant 3 heures en plein soleil. Il les exposait 20 minutes maximum, une demi-heure, si le soleil n'était pas trop, ne tapait pas trop dur, et dans le but de bien préparer le malade, de le calmer, enfin de le bien préparer, et après les opérations pour cicatriser les plaies. Et à son départ à la retraite, ce sanatorium a été remplacé par des bureaux, il était catastrophé. Il reçut des reconnaissances diverses, Légion d'honneur au titre de la santé publique, médaille d'or et de l'éducation physique, croix vermeille de la Croix-Rouge, et titre de chevalier de l'ordre de la santé publique. En fait, son idée, c'était d'espérer que le naturiste soit reconnu par le biais du domaine médical, par le biais de la reconnaissance des bienfaits que pouvait apporter le naturisme et le soleil, que le naturisme soit reconnu par l'État comme étant un médicament, mais une source de bonne santé. Ça, c'était son espoir perpétuel. Alors, il dit, les bons médecins naturels sont rares et le rôle qu'ils ont à remplir est immense. On ne saurait trop les engager à établir les dossiers précis et documentés sur les cas qu'ils sont menés à observer et à noter et à enregistrer ce qu'ils ont acquis par l'expérience. Et à son décès, ses amis ont fait une plaque commémorative à la Sainte-Baume sur le sentier merveilleux qui, depuis, porte son nom sur la zone des Béguines. Un autre précurseur, ah non mais c'est pas le même. Excuse-moi, juste une petite remarque sur les sanatoriums. Ouais. L'association Os Soleil, ça fait passer par la vitamine D, qui en plus ça a été identifié, c'était à peu près cette. L'association Os. Oui. Et vitamine D. Vitamine D. Maintenant on peut dire que scientifiquement c'est prouvé que la vitamine D apporte de. Au niveau des eaux. L'absence d'exposition au soleil et la fortune qu'en plus les problèmes osseux des enfants, c'est des choses qui, quelquefois, je pense, les laissaient. D'ailleurs, il y avait peut-être des rachitismes associés ou peut y avoir du rachitisme même dans les eaux dans le soleil. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on note des problèmes de rachitisme et de manque de vitamine D au Maghreb. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient ils observaient les choses, donc ils faisaient des raisonnements à partir de ce qu'ils observaient, sans forcément avoir la preuve établie scientifiquement. Et donc du coup, c'était des suppositions, mais qui s'avèrent pour la plupart être au final vrai actuellement. C'était quelque part des visionnaires. Un des précurseurs naturels de Marseille, c'est le docteur Géo Beltrami, aussi bien Poussel Beltrami, n'ont rien à voir avec l'anarchisme, on est d'accord, l'anarchisme ça viendra après, mais Poussel était quand même très ouvert d'esprit au point d'être ami avec un anarchiste qu'on va voir plus tard. Et Géo Beltrami, en 1907, il dirige une clinique dentaire aux 2 rue des Fabres à Marseille. Il est mobilisé à la Première Guerre mondiale. Il participe à la bataille de la Marne et dans les tranchées de Verdun. Il s'occupe de malades atteints de fièvre typhoïde et fait de la chirurgie maxillofaciale pour les gueules cassées. Nommé président du comité marseillais d'assistance aux gueules cassées à la fin de la Première Guerre mondiale, il a été croix de guerre en 1914-1918, puis chevalier de la Légion d'honneur en 1932. En 1922, il fonde l'école et dispensaire dentaire de la Montée des Accoules, qui existe toujours. Et ce dispensaire, en 1922, accueillait donc des étudiants en stomatologie, en médecine, et ils accueillaient les nécessiteux pour les soigner gratuitement jusqu'à 300 par jour. Jusqu'à 300 par jour, il y avait des Marseillais qui venaient se soigner gratuitement sur place, et les étudiants donc utilisaient les gens pour faire des travaux pratiques en quelque sorte et apprendre leur métier. Et Beltrami sera l'un des premiers professeurs de stomatologie en France. Et un de ses fils, alors je ne sais plus si c'est Yvan ou Francis, c'est lui qui a créé les agendas Covadis, que tout le monde connaît. Et Beltrami a été, comme il était franc-maçon, il a été poursuivi par le régime de Vichy en 1941. Il a été destitué de son statut de professeur, puis après réintégré en 1944. Il a été dénoncé par lettre anonyme comme étant juif. Donc il a été emmerdé par le régime de Vichy. Et surtout qu'il a aidé à accueillir des juifs pour les sauver quand il y a eu le dynamitage du quartier des Paniers. Ils ont, sa famille et ses enfants ont accueilli des juifs. D'ailleurs, ses enfants, Yvan et Francis, ont été désignés comme justes. Beltrami et d'autres époussels ont créé une spécificité naturiste marseillaise, la Société de médecine naturiste de Marseille. Il n'y en a que deux. Alors, il n'y en a eu que deux de sociétés de médecine naturiste en France. Celle des Durville, qui a existé en 1914, et celle de Marseille, qui a existé en 1914 en même temps que Durville, mais la création déclarée a été faite en 1933, à la suite du livre de Poussel. Donc l'article de gauche, c'est un article issu d'un magazine naturiste français, Vivre intégralement. Là, nous voyons la composition du conseil d'administration de la société de médecine naturiste. Et en fait, le but de cette société, c'était de promouvoir l'hygiène de vie, une hygiène de vie saine. Donc par le biais de conférences, par le biais de communiqués de presse, et de livres, et toutes ces conférences étaient retracées dans des livres d'ailleurs, après vendues. Et donc les conférences étaient annoncées dans la presse, et quelques temps après, deux ou trois jours après, rarement le lendemain, parce qu'ils étaient très rapides à l'époque, hein, les journalistes, il y avait un compte-rendu des conférences. Donc là, c'était l'annonce d'une conférence par Poussel sur le sommeil à la lumière du naturisme, parce qu'il a écrit des livres sur le sommeil aussi, et une autre conférence par un autre docteur, Fouattard, sur le problème du pain. À l'époque, déjà, les médecins naturistes trouvaient que le pain était moins riche qu'avant. On était en 1935. Hein. Si on parlait maintenant, il serait catastrophé avec ce qu'on nous vend comme farine congelée. 1935, en fait, ça coïncide à peu près avec l'apparition des pétrins mécaniques qui ont nécessité une farine qui était plus riche en gluten, la farine qu'on a, qui continue à servir actuellement. Oui. Et oui. Oui, c'est on bouffe de l'air, en fait. Ben, c'est-à-dire que de la colle, plutôt. Oui, de la colle. Oui. Non, mais c'est sûr qu'au niveau nutritif, c'est une catastrophe. Il n'y a qu'à voir, on le laisse dehors, il est congelé le pain. Il est tout dur au bout d'un jour. Donc, après, il y a eu la création d'associations naturistes. Et donc, on peut se demander que sont devenus ces enfants qui ont fait du naturisme, enfin, qui étaient nus au soleil. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça du naturisme en 1905, mais qui étaient nus au soleil avec un abbé. Ben, en 1930, ils ont créé une association. C'est une des preuves qui montre que ça s'est bien passé. Puisqu'ils ont voulu promouvoir cet art de vivre, quelque part, au sein de leur famille et autour d'eux. En fait, l'association, j'ai retrouvé le nom de l'association en 1928. Donc, en fait, l'association existait avant, sous un biais, enfin, informel, entre amis. Alors, elle existait peut-être avant, puisque l'abbé Legré est décédé en 1923, mais ça, j'ai pas de preuves. Par contre, elle a été déclarée en préfecture en 1930. Parce que quand ils ont eu l'autorisation d'occuper l'hôpital Caroline, une des obligations qu'on leur avait faites la mairie à l'époque, c'était d'être une association déclarée en préfecture. Au cas où il y ait un problème, quelque part. Et cette association donc marseillaise est une des premières associations naturistes de France, avec celle de Strasbourg et de Lyon. D'ailleurs, là, on voit dans l'énoncé de cette photo, on voit que c'est l'association doyenne, la doyenne des sociétés, des amis de vivre, en fait. Il manque le mot. Les amis de vivre, c'est une confédération créée par Ken Mongeau, un parisien aristocrate, qui avait créé une sorte de ligue naturiste avant la Fédération française naturiste en 1950. Et ça s'appelait la Ligue de Vivre. Donc la photo de droite, c'est les Marseillais qui sont à côté de Francfort, dans un centre le centre de Orpide. Et c'était, voilà, on voit toujours Dudley et Lys. C'était pour le premier congrès nudiste international. Alors le but, c'était de regrouper dans un esprit, on va dire, mondialiste avant l'heure, de regrouper toutes les associations naturistes d'Europe parce qu'ils avaient pour but, par rapport aux tensions politiques qui déjà émergeaient à l'époque, ils espéraient que le naturisme permette aux nations de fraterniser, d'être en paix, en fait. Et effectivement, bon, ils ont réussi à faire le buzz, hein, ça, parce qu'on en a beaucoup parlé de ce groupement. Surtout, ça, il y en a eu plusieurs jusqu'en 1933, après l'instauration du régime nazi. Avant 1933, il y en a eu plusieurs. Mais bon, après, les tensions politiques ont quand même eu lieu, forcément. Mais en tout cas, ils avaient l'espoir de montrer qu'on pouvait s'entendre entre pays étrangers, quand on a le même but commun. Là, les trois photos qu'on voit ici, c'est des photos des calanques de 1960, avec les pierres tombées. Au milieu, c'est un vieil article de Paris Soir, qui dit qu'il y a des naturistes marseillais qui ont investi une île. Alors là, pour le coup, c'est pas le Frioul, parce qu'en 1937, les Marseillais n'avaient plus le droit d'y aller, mais c'est l'île de Riou, qui est au large des calanques. Ils y allaient en bateau ou en kayak. Et j'ai une photo d'un débarquement, justement, de kayakistes sur une plage de Rio. Et d'ailleurs, on voit là, proche de Castoragne, c'est bien merci à Rio. Là, on voit une dame en train de se promener nue sur un sentier des Calanques. La photo date de 1950. C'est sur la falaise des Toits, en direction de... Pour ceux qui connaissent la cheminée qui descend Pierre Tombée, ou alors en direction de Saint-Jean-de-Dieu. Là, il y a un article du Petit Provençal qui date du 29 juin 1930 sur les naturistes de Provence. Et là, c'est un autre article que j'ai retrouvé qui est intéressant parce qu'il montre que les naturistes marseillais ne se limitaient pas à promouvoir le naturisme à Marseille. C'est René Fils, c'est un des présidents de l'association des naturistes de Provence, qui a découvert un lieu en Corse et qui, avec l'autorisation des propriétaires, a décidé de faire de ce lieu un lieu de vacances pour les Marseillais. Et donc il accueillait les naturistes en Corse, les naturistes marseillais. Et puis après, au bout de 3 ans, quand les propriétaires ont vu l'ampleur que ça prenait, le succès que ça avait, ils ont dit, c'est bon, on va s'en occuper, on va tout gérer, et toi tu dégages. Et donc le centre de Villata a existé pendant 30 ans. Voir un peu plus même. Ensuite, une autre association, c'est. Attendez, je me perds. C'est une autre association marseillaise, c'est les Libres Culturistes de Provence. Les Libres Culturistes de Provence, c'est une association dont l'origine est une scission avec les Naturistes de Provence, de Dudley et Lys, donc le photographe qu'on voyait précédemment. Il a décidé de quitter les Naturistes de Provence parce qu'en 1931, la mairie de Marseille n'était plus d'accord pour accueillir des étrangers sur le Frioul. Parce que les naturistes de Provence, ils accueillaient tout le monde. Ils accueillaient des Allemands sur l'île du Frioul. Il y avait même une fois un Japonais qui a débarqué. Ils accueillaient tout le monde, alors que la mairie ne voulait que des Marseillais. Pourquoi? Comme Dudley et Lys étaient d'origine anglaise, il était un petit peu anarchiste sur les bords. Il était un petit peu dans un esprit de liberté, on ne juge pas les gens sur leurs origines. Il s'est dit, bon ben, puisque moi je ne suis pas marseillais, je ne vais pas y aller alors que les autres n'y ont pas droit. Et je crée mon association, on va aller ailleurs. Et donc là, c'est une des premières sorties qu'ils ont faites. Alors pour une grande plage comme ça, j'imagine que c'est en Camargue. Donc lui, après de Délis, il a trouvé qu'il y avait trop de restrictions en France. Il a décidé de tenter sa chance au Portugal, puis après au Brésil. Et il est revenu à Marseille à la fin des années 60. Donc cette association a continué à exister après la Seconde Guerre mondiale par Oksan Timisirov, alias Alyosha pour les intimes, alias Matéi, de son nom Maquisar, le résistant dans le maquis de Barème. Donc à l'origine, moi j'ai cru que c'était trois personnes différentes. Donc, j'ai commencé à écrire des chapitres différents sur Alyosha, Oksan Timisirov. Et quand je me suis rendu compte que c'était la même personne, il m'a fait que je recommence tout. Donc j'ai retrouvé grâce à Facebook sa fille, qui s'appelle Lola, qui est ici. Donc ça c'est une photo qui a été prise dans leur centre à Marseille, à la vieille chapelle, à Traverse Parambo. Un centre qui a existé sur un hectare de 1947 à 1959. Et en fait à l'origine, Oksan Timisirov, lui il ne voulait pas s'embêter avec des démarches administratives. Il s'est dit, on va faire une association parce que pour m'occuper de mon terrain, tout ça, pour que les choses soient dans les règles. Il n'avait pas envie de s'embêter. Il a découvert que les ligues culturelles de Provence n'avaient jamais été dissoutes. Il s'est dit, c'est bon, je vais faire mon association, les ligues culturelles de Provence, puisqu'elle existe. Les statuts sont faits, je ne vais pas m'embêter. Mais en fait, lui, le naturisme en demande, c'est, il a intitulé son association Ligue culturiste de Provence en référence à Freie École Pure Culture allemand. Autant lui, il s'en foutait, c'était juste par commodité. Donc on le voit là dans les calanques. Et là, donc en 59, ils ont déménagé pour aller à Gemenos, à l'emplacement exact qui est derrière le roi Merlin de la zone commerciale actuelle. Donc ils ont créé un grand bassin. Et puis là, c'est une partie de volée. Après, ils ont déménagé, ils se sont installés là-bas en 59-60. Après, ils ont déménagé de nouveau en 71 pour s'installer au Fournier, à Roquefort-la-Vidéo. Et le centre a fermé en 90. Et lui, il est décédé en 92. Donc ça, c'est son livre qui est disponible ici. Son livre sur l'histoire de Maclis Barret. Parce que il parlait tellement de son. Il en parlait pas mal de son histoire de résistant dans le maquis que ses amis résistants l'incitaient à écrire quelque chose, l'incitaient à écrire un bouquin sur cette histoire-là, parce qu'il aimait beaucoup parler de façon un petit peu humoristique, un petit peu décalée. Et quand ses amis ont lu le bouquin, ils ont regretté de l'avoir incité à l'écrire, parce qu'en fait, il a une approche très. Très décalé. Et c'est quelqu'un qui dit clairement qu'il y avait 10 jours où il n'en dit rien. Quoi. Et donc ça ne se dit pas dans un bouquin sur la résistance. Et que ça passe. Et qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Où ils ont tué peut-être des Allemands qui traînaient, qui n'étaient pas des balles dans la tête parce qu'ils étaient déjà. Ils avaient perdu la guerre. Quoi. Ouais. Donc il est effectivement. Il y a eu une première édition. Et je crois qu'elle a la peinture, parce qu'il y a eu une de bataille et il n'en a pas très de long coup. Et après, ce bouquin, c'est les éditions Egrégor, c'était leur premier titre, et ça date de des années 2000. Ouais. Et c'est une belle préface de sa fille. C'est ça, oui, une préface de sa fille. Ouais. Et puis il y a un travail éditorial qui a été fait par un de nos amis qui est décédé, qui s'appelle Arthur tout court, il n'a pas de nom. Et il y a des photos aussi de lui également à l'intérieur. Ouais. Et c'est bon, l'ouvrage est un peu. Il y a des couleurs un peu bizarres. Je ne sais pas si on l'a en stock pour regarder, parce que ça vaut le coup que vous lisiez s'il y a encore dans notre librairie. Je ne sais pas s'il en reste. Et puis, alors des fois, il dit que la seule préoccupation de ses amis et de lui-même de l'abonné, c'est de trouver des nouvelles coques. Dans 7 ans. Donc, du coup, il s'est fâché avec pas mal de résistants. Ouais. Alors, Bruno, tu dis qu'il a eu trois noms, Oksent, Alyoshat. Alors, pourquoi Alyoshat? Parce que je comprends bien celui pour la résistance. Même sa fille, c'est pas. Même sa fille, c'est pas. Parce qu'en fait, au sein de cette association, la Ville culturelle de Provence, ils avaient tous des surnoms. Tout le monde avait des surnoms. Sa fille, c'est Lola. Mmh. Bon, ben, avec Hélène, apparemment, c'est compréhensif, mais il y en avait un, c'était Poil sans cul. Parce qu'il se rasait. C'est pas cul sans poil. Hein. C'est comme ils sont toujours dans la dérision, dans le décalage, dans la provocation, il appelait Poil sans cul. Ils avaient tous des surnoms comme ça. D'accord. Bon, Poil sans cul, il y avait au moins une explication. À l'UFA, je ne sais pas. Okay. Donc, lui, c'était l'aîné d'une famille de 3 enfants d'origine arménienne. Comme beaucoup d'Arméniennes, sa famille, dont le nom était d'origine, était Missiran. Il avait été russifié par Pierre le Grand et il fuit l'URSS à 17 ans pour faire des études. Donc il part avec l'autorisation des autorités pour faire des études à l'étranger, mais il ne reviendra jamais. Il a revu sa sœur, je crois, à la fin des années 70. Génia, sa femme, donc c'est Génia. Son vrai nom, c'est Eugénie, son vrai prénom. Elle travaille pour l'organisation d'entraide humanitaire de la communauté juive. Et s'occupe d'enfants déportés ou nés dans les camps de concentration au château Baupin. Et c'est là qu'il s'installe pour créer son centre naturiste à côté du château Baupin, à travers Parangon. Elle intégrera le planning familial, où elle délivra des contraceptifs et se battit pour le droit à l'avortement. Alors, il faut savoir qu'avant de se mettre en mariage en couple, ils ont libéré des Russes au fort Saint-Nicolas. Parce qu'en fait, les Russes avaient été prisonniers. Alors, c'est bizarre hein, comme l'histoire, parce que ils étaient avec la, ils étaient alliés, mais comme les, alors il faudrait que je me rappelle un peu comment ça s'est passé. Ils avaient été gardés prisonniers avant d'être renvoyés. La Russie, l'État russe, avait demandé aux autorités françaises de mettre en prison les soldats, un certain soldat militaire russe, pour éviter qu'ils se barrent, qu'ils fuient la Russie. Donc il fallait mettre en prison. Et Alyosha et sa femme Genia étaient partis les libérer, enfin ils en ont libéré quelques-uns, qui étaient devenus amis et qui étaient devenus aussi naturalistes. Une édition rare. Là. Oksane Missirov, ouais. Ah oui, voilà. Ça c'est la première version alors. Oui, ouais. Vous nous faites circuler. Il y a des photos de Missirov à l'intérieur. Alors après, alors nous terminons par le dernier club naturiste marseillais, le club du Soleil de Marseille. Le club du Soleil de Marseille. Le club du Soleil de Marseille, c'est aussi a pour aussi origine une scission. Et donc cette scission, c'était avec les Ligues culturelles de Provence cette fois. Quand les Ligues culturelles de Provence ont dû partir de Marseille par la force des choses parce qu'il y avait une vente du terrain, parce que déjà en 59, du côté de Marseille Vert, il y avait des projets immobiliers. Quand ils sont allés s'installer du côté de Gemenos, à l'emplacement de la zone commerciale actuelle, il y avait certains adhérents qui n'avaient pas le lieu parce qu'il était complètement désert. Il y avait tout à refaire. Il y avait tout à installer, il n'y avait pas de plantation, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Donc ils ont été assez choqués par rapport à l'état du terrain. Et ils avaient trouvé un autre terrain du côté de Simia de Colombe, où on voit les photos ici. Le problème de ce terrain-là, c'est qu'ils n'avaient pas l'autorisation de camper. Ils ne pouvaient pas y rester la nuit. Ils ne pouvaient pas y... Donc du coup, Oksane Missirov, lui, il voulait y vivre en permanence avec sa famille. Donc il y a eu une scission. Et Oksane Missirov, il avait un peu le syndrome de l'espionnite. C'est-à-dire que s'il y avait des adhérents à lui qui allaient chez eux, à ce club-là, il ne voulait plus les revoir. Mm-hmm. Parce qu'il les soupçonnait d'aller voir ses anciens amis, qui étaient devenus des ennemis, donc des traîtres. Mm-hmm. Pour leur dire les cancans, pour leur dire voilà ce que fait Oksane Missirov, voilà ce qu'il fait et comment ça se passe. Donc s'il y avait des adhérents qui allaient sur ce terrain-là, ils refusaient de les revoir. C'était un petit peu la guerre. Mais c'était une association quand même très active, elle était présente à chaque foire de Marseille. Et ils avaient un stand à la foire de Marseille, payé, remboursé par la Fédération française de naturisme. Et là, on voit Gaston Defer devant une affiche du club avec des photos. Et on le voit avec son conseiller là, en train de bien se prendre la poire. Même. Enfin, en tout cas, ça donne le sourire. Il y en a un qui regarde ça. Oula, qu'est-ce que je vois. Donc, c'était un centre assez spartiate. Hein. On voyait la douche hein, sur un arbre, avec une plage en dessous. Et c'était un centre, un grand centre de 23 hectares. Après, Sylvain Colomb, ils sont allés s'installer à Saint-Zacharie. Et le propriétaire actuel ne veut pas qu'on cite, parce que le centre, il existe toujours, à Gantès. Il est devenu textile, non naturiste. Et il a toujours des gens qui viennent le voir lui, en pensant que c'est naturiste. Et c'est le propriétaire actuel, c'est le fils de l'ancien propriétaire de cette époque-là. Donc on termine par l'association Naturiste Océane dont je suis président. Voilà, avant il y avait beaucoup d'associations à Marseille, maintenant il n'y en a plus qu'une, c'est la nôtre. On existe depuis 2011, sachant que les Naturistes de Provence ont été dissous en 2001. Et il y a aussi une association à Martigues, hein, les Naturistes de Martigues. Il y a aussi une association du côté d'Arles avec Camargue-Soleil. Nous on organise plein d'activités. Mais on n'a pas de lieu fixe, on ne s'occupe pas de plage particulièrement. On fait un peu toutes ces activités. Des sorties plage, des randonnées naturistes, des sorties en canoë, des séjours dans les centres, du hammam, du yoga nu, on n'en fait plus, on a perdu notre prof. Des massages, du bowling, sorties en voile, des randonnées en raquette, l'hiver. Piscine, on n'a plus. Pour actualiser nos activités. On fait des salons. Des recherches culturelles et des activités artistiques. Et donc, je voulais terminer ce petit diaporama par l'événement. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un naturisme, mais des naturismes. Ça sera le thème d'une exposition en 2024 par le MUCEM. Le MUCEM va organiser de avril 2024 à octobre 2024 sur 800 mètres carrés. Une exposition sur les naturismes. Alors les naturismes, ça veut dire que ce sera une exposition sur tous les courants naturistes. C'est-à-dire il y aura un mur consacré aux anarchistes, il y aura un mur consacré aux docteurs naturistes, à la médecine naturiste, un mur consacré, je ne sais pas, au sport, parce qu'il y a eu des olympiades naturistes hein, de créer dans les années 30. Il y aura un mur consacré à des grandes œuvres, à des grandes réalisations comme Héliopolis au Levant, Physiopolis à Villennes-sur-Seine dans la région parisienne, le projet du Cap d'Agde qui est un projet d'État, décidé par l'État à l'époque, et évidemment le naturisme à l'étranger. Avec alors des articles de presse, des journaux, des magazines, des livres. On cherche essentiellement maintenant des objets, on va dire des statues. On ne va pas prendre David de Michel-Ange. Il y aura théoriquement possible de faire une visite du musée. Voilà. Voilà, on termine un petit peu sur ça. Donc, c'est le projet actuel. Alors, c'est piloté par Bernard Andrieux, qui est philosophe et professeur au sein de l'Institut des sciences, des sports et de la santé à l'Université de Paris. Par Jean-Pierre Blanc, qui est directeur de la Via Noailles à Lire, qui est un carnet d'adresses monstrueux, qui pourrait postuler pour être directeur de musée, d'un grand musée à Paris. Et David Laurenté, qui est ingénieur. À l'Université de Paris. Et c'est tous les trois des naturistes. Et moi, je suis en charge, donc ils m'ont délégué pour rassembler des archives et des documents sur le naturisme à Marseille. Oui, les autres s'occupent un peu pour le plan national. Et moi, quand je suis sur place, parce qu'il y aura une partie de l'exposition consacrée à Marseille. Ça serait quand même dommage de ne pas en profiter, vu que c'est au MUCEM. Alors à l'origine, ils n'avaient pas pour but de le faire vraiment au Mucem, l'exposition. Ils l'ont proposé à plusieurs musées en France, et c'est Mucem qui a répondu en premier, qui a dit banco, et comme le Mucem c'est quand même une référence. Voilà. J'ai apporté quelques livres que vous pouvez feuilleter. J'ai apporté le livre du docteur Poussel là, dont je vous ai parlé, la miniaturiser la vie. Alors, dans le livre, il y a quelques photos d'époque. Alors, il y a quelques photos d'époque. Alors, à l'époque, si on mettait des photos de nus, c'était classé comme érotique. Donc, souvent, les gens ont des culottes. C'est flouté, non? Tu veux dire que c'était caviardé, c'est ça? Comment? Tu veux dire que c'était caviardé après coup? Non, il portait des culottes. Non. Alors, sauf. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y ait. Maintenant, on verrait les choses différemment. C'est qu'à l'époque, on utilisait beaucoup d'enfants pour imager le naturisme. Parce que un enfant nu, ça ne pouvait pas être supposé comme étant érotique. Ça, on ne pouvait pas classer le magazine ou le livre dans l'érotisme. Parce que c'est un enfant. Et quand Bruno a proposé de mettre des photos d'enfants nus sur la fiche de présentation, tout ça, je lui ai dit non. Aujourd'hui, c'est pas possible, ça. Même si c'est une photo historique, en fait, à l'origine, je voulais mettre la photo des marches sur le Lazaret à l'hôpital Caron. Ah oui, c'est sûr. Alors, cette photo, elle a été acceptée par le Mucem. D'accord. Parce que les enfants sont suffisamment vus de loin. Ouais, d'accord. Par contre, voilà, il ne faut pas que ce soit de près et frontal. Et ça, c'est un livre qu'a créé un oncle du docteur Poussel, de Victor Poussel. C'est un livre de 1923 sur les calanques en péril. Alors, Victor Poussel, c'était un ecclésiastique. C'est un livre où on parle beaucoup de religion. Mais en fait, les calanques, c'était après l'utilisation par le formio par la carrière en veau et porpin était risqué de subir la même sorte au formio. Donc il y a eu un comité qui s'est créé pour défendre le site naturel. Vous pouvez le photographier pour prendre en feuilleté. Là, c'est les livres du docteur Poussel avec le tabac et l'hygiène. Et ça, c'est un livre dédicacé par Poussel sur un livre de poésie, sur la nature principalement. Là, je lui ai apporté de vieux magazines naturistes. Je lui ai donné livre lu, La nullité, la morale. Et là, un vieux, je te disais que j'avais appris un truc sur l'Espagne. Ah oui. Comment ça s'appelle la revue? Peine pas. En Catalogne, je connais des groupes qui font du baltrad nu. Ah ouais. Ils appellent ça un polcapel. Alors oui. Oui, à l'association, on a eu l'idée de faire un truc comme ça, puis vraiment, on a laissé tomber. En tout cas, on se casse les dents avec les piscines. Comment ? On se casse les dents avec les piscines à Marseille. Nous, notre préoccupation, moi personnellement, ce que je préfère, c'est la rando. Mais ce qu'on attend le plus au niveau de l'attente principale des naturistes à Marseille et de mon association, c'est d'avoir un créneau en piscine. Et ce qui manque, c'est ce qui est le plus demandé par les naturistes. C'est ce qui rassemble le plus de monde. C'est ce qui permet à tout le monde de venir, aussi bien les enfants que les personnes un petit peu plus âgées. Et malheureusement, à Marseille, c'est compliqué. Ouais. C'est déjà compliqué pour avoir une créneau piscine pour des associations sportives, on va dire, classiques. Ah, le changement de la mairie. Disons que la mairie, au début, les responsables du sport nous ont dit, ok, on a eu des réunions avec les responsables du sport. Et les lieux sont très favorables. Ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, Rosie, etc. Il n'y a pas de problème, on est d'accord, on vous soutient, on comprend parfaitement votre souhait. Et on trouve ça normal, tout ça. Puis on a appris que finalement, ça coincait au niveau des syndicats des piscines et de certains employés. Il y a même un responsable politique de secteur qui a menacé de faire un sitting pour si jamais un créneau naturel nous était autorisé. Voilà. Idéologiquement, je pense que c'est, tu sais, on est encore dans une société très conservatrice, très moralisatrice, et qui juge que si tout le monde ne fait pas ce que la majorité font, c'est que c'est pas normal. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est la liberté, elle est la liberté de choix, elle est balayée sur ces. On doit. Pas grave, ça. Hein, on peut pas s'en soutenir, vous savez. Ouais, mais donc ils bloquaient la piscine. Non, mais après, ça peut aller dans la loi, enfin, à un moment. Ouais. Quand les syndicats soutiennent le fait que les employés sont voilà, opposés. Ce qui est embêtant, c'est que les employés, eux, n'ont pas envie, on ne peut pas les forcer, mais s'il suffit d'en trouver quelques-uns qui sont OK pour bosser sur ce réseau, en fait. C'est surtout que finalement, on avait fait un dossier assez solide en disant que les employés des autres piscines, parce qu'en France, il y en a quand même des piscines qui ont des créneaux naturistes. Et c'est avec ces gens-là avec qui les employés ont moins de problèmes. Ouais. Ils n'ont pas de problème avec les naturistes. Il n'y a pas d'agression. Tous les employés des piscines de Marseille, il devait y avoir quelques-uns qui ne sont pas contre les biais. C'est en tout cas, probable, c'est qu'il y a des syndicats. Ou alors ils n'osent pas le dire. C'est syndicats, c'est ou alors ils n'osent pas le dire, ceux qui sont d'accord, tu vois, par rapport aux collègues. Ah ouais, tu es d'accord pour encadrer un créneau naturiste, c'est que tu es pervers, c'est que tu es brossé naturiste. Ah ouais, pourquoi tu es d'accord, tu es naturiste, ou alors tu veux voir les gens nus, c'est bizarre. Alors que le lieu le sport a complètement compris. Ah, ouais. Il y en a qui ont honte, hein, de... Oui, oui, de... Moi, par exemple, si on parlait des enfants nus, moi, au contraire, mes enfants, je les ai vachement mis sur les plages nus, jusqu'à enfin, plus tard possible. Non, ça ne voit plus, hein. Mais justement, je me disais, ben, ça ne se voit plus, et du coup, il faut que je leur travaille. Ben non, du coup, moi, je montre que mes enfants sont mis sur les plages, et que ce n'est pas un problème. Et j'ai jamais de soucis, enfin, les gens n'ont pas l'air choqués, en fait. Ou... Je pense que si nous-mêmes, on s'empêche de faire des choses en se disant que ça ne va pas passer, c'est dommage, quoi. Moi, ouais, non, mais les gens se mettent plein de freins, en fait. Ils pensent avant tout à la réaction des autres, avant de s'affirmer eux-mêmes dans leur choix, quoi. Souvent, l'argument qui est avancé pour empêcher la nudité, c'est qu'il y a des enfants. Sauf que souvent les enfants ils disent à la nudité, c'est les parents qui disent à la nudité. Les parents imaginent que l'enfant serait choqué de voir des personnes nues. Les enfants sont pas conscience. À part s'ils ont été éduqués dans le sens où la nudité c'est mal. Au bout d'un certain temps, ça rentre dans leur tête et effectivement c'est mal. Ils sont choqués. Bon, bah, chacun dans nos quartiers, donc on aille voir notre piscine de quartier, qu'on parle avec les salariés, qu'on leur demande si eux. Oui, parce que les responsables disent. Après, c'est les responsables politiques, et vous savez, les politiques disent toujours oui par devant. Hein. Ouais. Puis après, ils disent on peut pas, mais c'est pas notre faute. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait peur de mettre un pataquès, quoi. Il a dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas les vagues, quoi. Après, il y a eu la peur aussi de voir. Émerger la sollicitation de façon musulmane, évidemment, pour obtenir des créneaux naturistes pour leurs femmes, uniquement pour leurs femmes, du coup, non mixtes. Pour être une pression, parce que ça existe. Moi, quand je le vois même avec les femmes arabes, elles sont toutes à poil, c'est vrai que c'est pas trop femme. Voilà. Mais c'est pas du tout un tabou. Culturellement, ça, pour eux, c'est très. Ouais, ce qui est tabou, c'est d'aller à la piscine avec un homme et une femme. Oui, en fait, ça pose un vrai problème. Oui, mais de leur empêcher les autres de faire. Du coup, parce que si des naturistes ont un créneau, eux, ils pensent être autorisés à demander leur créneau, après ça n'a rien à voir. C'est là que politiquement. Parce qu'eux, ils nous considèrent comme une communauté. Eux, ils sont une communauté à part, comme nous. Ils pensent que. Les autorités, la mairie doivent leur autoriser aussi un créneau. Parce que eux, ils ne peuvent pas se mélanger aux autres, et nous, on ne peut pas se mélanger aux autres non plus. Okay. Sauf que nous, on accepte tout le monde. Oui, bah oui, c'est peut-être ça qui est différent. On est une association laïque, où tout le monde est pareil, on ne juge pas sur la couleur de peau, sur l'âge, sur le sexe. Alors qu'eux, ils acceptent tout le monde, c'est pareil. Et eux, dans leur. Bon, j'ai presque envie de dire, je peux dire pour eux, ils défendent leur bufec, mais c'est un argument qui est pour moi, enfin pour nous, un peu sectaire, quoi. C'est un petit peu un argument qui restreint les libertés, parce qu'ils savent très bien qu'ils bloquent tout avec ce type de revendication. Ils le font exprès. Enfin, je crois pas, enfin, en fait, c'est peut-être assez gênant. Eux, parce que ce qu'ils réclament, c'est des créneaux non mixtes. C'est des créneaux que pour les femmes. C'est garde, sinon, si moi je vais y aller, j'y vais. C'est pas excluant, en fait. C'est pas dit, si vous pointez à la piscine sans le voile, à l'extérieur, je veux dire, sans le voile, sans être accompagné par un homme. Ben, je ne sais pas comment ça se passe. Non, si non, voient, non c'est ça, par la loi, ça passe pas. Ils excluent les hommes. C'est juste que les hommes sont pas les C'est des femmes musulmanes qui ne veulent pas être nues devant un homme et qui, par contre, n'ont pas de problème à être nues ensemble. Et donc, elles se battent pour avoir ce droit à être nues ensemble, sans être emmerdées, justement, par leurs frères, leurs pères, leurs mères, leurs cousins. C'est différent, c'est par contre qu'ils acceptent des garçons. Les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois. C'est l'éducation traditionnelle. Je veux dire qu'après 12 ans, on est un pervers. Ah ben la nudité, il y a quand même plein de. Ils n'acceptent pas les plus de 12 ans. C'est qu'après 12 ans, on est un pervers. Même pour un garçon, c'est ça qui me trouve le plus. À la limite, qu'ils n'acceptent pas les autres. Alors, les garçons. Après, c'est pas tous les musulmans non plus, c'est un petit. Non, mais c'est une minorité qui fait du bruit, qui fait beaucoup de. Qui rassemble beaucoup de mécontents aussi sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand il y a. Si à Marseille, on apprend qu'il y a encore des gens qui ne savent pas que le naturiste pratique en famille avec des enfants. Et quand ils l'apprennent sur les réseaux sociaux, ils font en tout cas semblant d'être scandalisés. C'est vraiment très bien ça. S'empêche pas de. Moi j'appartiens à notre vieille association du Friou là, et on a vu des gens qui nous disent que sur les plages on vient leur dire de se rhabiller, les gens qui sont en des textiles, hein, qui ont enlevé l'eau ou quoi. Ouais. On a une pression en ce moment. Je veux dire puritaine et auquel il faut résister parce que la liberté, les mairies, je les comprends un peu, hein, je vais faire l'avocat du diable, mais le fait de séparation sexuelle, derrière, il y a toute une idéologie, il faut pas croire, une pression sur les filles des cités, donc il faut les aider à résister. Si jamais on les sépare, on admet une éducation différente pour les femmes et ça va très très loin, beaucoup plus loin que ce que vous pouvez. Moi je suis de culture mixte, hein, et tout le travail qu'il y a souterrain par les intégristes de trois différents bords qui sont d'ailleurs très, très concurrentiels entre eux dans les cités, et c'est féroce, il hein, ne faut pas croire, et c'est pas anodin. Moi je suis consternée que des femmes se rhabillent maintenant parce que certaines viennent leur dire sur la plage de le faire parce qu'ils sont avec leurs femmes et leurs enfants. Je suis désolée, c'est mon liberté qui est en danger là. Ouais, j'ai appris qu'il y avait des soucis avec des femmes en topless sur le frigo là, depuis quelques années. Ça risque carrément presque d'agression. Oui, pour moi, ça reste hyper mineur. Enfin, la plupart de mes copines sont topless sur les plages et sur les plages marseillaises et personne n'en dit jamais rien. Il y a un petit cas comme ça, c'est anecdotique. Je trouve que c'est pas. Bah, moi, je suis pas entre les plages marseillaises, je sais pas si ma Non, mais faut pas dire que tout le monde est en train de changer. Enfin, non, quand même, la plupart des gens s'en foutent de voir des femmes avec des dessins à l'air sur le blog. Parce qu'à 7, il y a eu les policiers qui ont demandé à une femme. Oui, mais voilà, mais c'est des familles. Ce que je veux dire, c'est quand même très anecdotique par rapport au nombre de femmes. Ça a l'air sur la plage. Oui, sauf qu'il n'y en a plus tellement. C'est-à-dire, moi, que je suis de la génération 68, sur les plages, il n'y avait pratiquement que des salines à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Moi, sur la plage de Caro, dans les années 70, j'étais nue. Ouais. Nue. Et personne ne disait, moi je l'avais dit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans certaines. Enfin, je ne sais pas si elle existe toujours, mais les potes, passer sur une plage dédiée aux naturistes et être habillé et se faire engueuler. Ah ben si, au Cap d'Agde, c'est même des fois un peu trop violent. Moi, je peux. Au lieu d'expliquer gentiment comment ça fonctionne, des fois, ça va. C'est très agressif. Il faut arriver à cohabiter, en tout cas. J'ai retrouvé le passage où Ézéchiel parle des vêtements et de la nudité dans son œuvre L'homme et la terre. Bon, c'est un peu long à lire là, pour ici. Hein. Ouais. Mais si vous voulez, j'ai le passage tome 6 au chapitre 11 sur l'éducation. De la page 485 à la page 491. C'était donc un anarchiste, géographe de génie. Il est reconnu comme étant le précurseur du naturisme mondial, en tout cas la pensée naturiste. Mais pour revenir aux plages, je trouve que là, moi, ce que je constate, en tout cas dans les calanques, puisque les plages lancées, je les fréquente pas, je ne sais pas trop comment ça se passe, c'est que les femmes qui veulent être seins nus sur les plages, elles viennent chez les naturistes. Parce qu'elles se sentent plus en sécurité, elles savent qu'elles ne seront pas emmerdées. Les plages naturistes, j'ai l'impression que des fois, ça devient des plages mises de topless, en fait. Donc, c'est bien parce que les femmes, du coup, viennent parce qu'elles se sentent en sécurité, elles évitent les emmerdeurs. Mais c'est moins bien dans le sens où, du coup, on a l'impression de perdre des lieux où la nudité intégrale est de rigueur. Alors nous, on est dans un esprit de tolérance, parce que quelque part la loi nous oblige à accepter tout le monde. Le littoral est à tout le monde. Le littoral ne peut pas être privatisé pour les naturistes. Ouais. Le littoral, tout le monde peut venir sur les plages naturistes. Par contre, nous, on ne peut pas aller ailleurs. La tolérance, elle est pas dans les deux camps. Nous, par contre, si on veut aller ailleurs, on est obligé de mettre le maillot. Si des emmaillotés veulent venir, ben ils peuvent, par contre, rester leur maillot. Donc, c'est problématique. Où commence et où finit la tolérance, c'est compliqué. Alors moi, je fais de la randonnée naturiste, je ne peux pas dire que j'ai le droit non plus d'être totalement nu comme ça sur les sentiers. Donc je me ravis quand on croise des gens, parce que le but, c'est pas de choquer. Mm-hmm. Je ne peux pas non plus faire la chasse à ceux qui restent en maillot sur les plages, parce qu'on est que je suis nu sur les sentiers. Mm-hmm. Il y a un juste milieu à trouver, quoi, entre le fait d'accepter les choix de chacun, quoi. Moi, bon, personnellement, je m'en fous que les gens viennent en maillot sur les plages naturistes. Mais par contre, ma femme, si la moitié de la plage est en maillot, ça reste en maillot. Oui. C'est comme ça c'est pour beaucoup de naturistes qui vont être gênés qu'il y ait beaucoup de gens en maillot sur les plages. Oui. Parce que ma femme, même si on est. C'est pas parce qu'on est naturiste qu'on n'est pas pudique. Ma femme, elle est pudique. Ma femme, si la moitié de la plage est naturiste, elle est en maillot. C'est même pas la peine que je lui dise si tout le monde fait comme toi, on n'a plus de plage. Donc on s'en fout complètement. Hein. Ouais. Elle va garder le maillot. Alors que moi, je pourrais être le seul. Hein. Et que dit la loi, donc qu'est-ce qu'il y a dans la loi sur le sujet? Alors, la loi elle, en France, comme beaucoup de domaines, elle est floue. On sait faire des lois en France qui sont floues, qui ne sont pas appliquées, sans se le faire. C'est-à-dire que la loi en France parle d'exhibitionnisme sexuel imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Et nous, en tant que naturistes, on dit que le naturisme n'a rien à voir avec l'exhibitionnisme sexuel. C'est-à-dire l'exhibitionniste sexuel, c'est celui qui va ouvrir son imperméable devant une école, quoi. Ou celui qui va clairement exhiber uniquement son sexe ou une activité sexuelle. Un exhibitionniste sexuel, c'est quelque chose d'actif. C'est une action. Être nu, c'est un état, c'est un état d'être. Mais c'est pas dans le but de choquer. C'est juste, on est nu naturellement, quoi. Et donc nous, on dit que ça n'a rien à voir. Alors, malheureusement, dans les tribunaux, un petit peu réac, ils font encore référence à l'outrage public à la pudeur. L'outrage à la pudeur, qui est l'ancien code pénal de la loi napoléonienne qui a été instauré en 1830 et qui n'existe plus depuis 1994. L'outrage public à la pudeur n'existe plus depuis 1994, il y a encore des tribunaux qui en font référence. Donc c'est ça qui est un peu en France un petit peu problématique. En fait, en France, le seul qui décide de l'interprétation de la loi, c'est le juge. Il n'y a pas une loi, on va dire, stricte à suivre. Mais spécifiquement, non, le naturisme n'est pas indiqué dans aucun article. D'une part, c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Le règlement municipal. Il y a des. Alors, il y a, en France, il y a des plages autorisées par arrêté municipal, des lieux autorisés, là aussi, donc les gens en maillot peuvent venir. Il y a des plages tolérées, où de fait, depuis 30 ans, il y a des naturistes. Et il y a des lieux sauvages, où les autorités savent qu'il y a des naturistes, ils laissent faire, comme dans les calanques, parce que ça ne pose pas de problème à personne. C'est pas dans les calanques, c'est pas de partout. Dans les 40, c'est pas de partout, mais en 1930, c'était partout quasiment. Pourtant, il y avait des naturistes, le rocher, en gros aussi. On n'est plus. Ah non, non, mais à l'origine, il y en avait partout, sauf à Morjou, sauf aux lieux habités comme Morjou ou Sormiou. Parce que la photo de Sormiou qu'on a vue, c'était pas sur la plage. Alors, actuellement, effectivement, on n'est plus en 1930. Actuellement, s'il y en a en gros, c'est moi et des amis. Sinon, il n'y en a plus. Pareil à Pourpin, il n'y en a plus depuis la fin des années 80 apparemment. Ouais. Il y en a encore à Caco, quelques-uns, qui est le cap de à côté de Pourpin. Il y en a au Pierre Tombé, il y en a quelques fois à Podesta, au Quiron, pas à Podesta. À Côte Bleue, il y en a un petit peu aussi. À Côte Bleue aussi. Sinon, moi en rando, je n'en ai jamais rencontré. Dans les 40, en tout cas, je n'en ai jamais rencontré. Et c'est vrai qu'il y en a sur les bateaux aussi, pas mal. Parce que sur les bateaux. C'est un espace privé, le bateau. Voilà. Les bateaux, oui, mais toujours cette loi qui dit si on peut te voir après, tu tombes sur le coup de la loi. Oui. La loi, la loi dit que par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut être nu chez soi, mais il faut faire en sorte de ne pas être visible du voisin. Voilà. D'accord. Et si le voisin fait un effort pour vous voir, c'est il faut dire que les ligues morales, alors j'en ai pas parlé, mais dans le livre, je parle beaucoup des ligues morales qui existaient dans les années 30, qui ont beaucoup combattu le mouvement naturiste. Ils voulaient carrément interdire l'immunité au sein d'un couple. Ces ligues morales ont quand même porté plainte contre des centres de naturistes. Où il y avait des naturistes, c'était immoral que des lieux naturistes existent. Ouais. Ils voulaient les fermer et les accusaient d'outrage à la pudeur, même s'ils outrageaient personne, parce qu'ils étaient entre naturistes consentis. Enfin, ils voulaient interdire la nudité, même privée. Il y a eu des tribunaux qui ont dû statuer sur ça, qui ont décidé que finalement non. Tu avais le droit de se réunir dans un lieu privé, fermé au public. Un jour, on n'aura plus le droit de se balader à poil chez soi. Si. On est dans la rue. Je le raconte. On se demande si. À condition de garder le masque. Sur internet, j'en ai vu quelques-uns se balader avec le masque en bas. En bas et en haut. Mais par exemple, au Baléares, notamment à Minorque, il y a des plages, il y a des naturistes d'un côté, des textiles de l'autre. Sans problème. On se déshabille encore facilement, comme le voyez moi plus quand je suis petite, mais on voit les gens se déshabiller pour se mettre en maillot. Oui. Plus, c'est vrai que chez nous ça se voit vraiment beaucoup moins. C'est vrai, sur certaines pages les gens se déshabillent. En Espagne, j'ai beaucoup vu. Et ils l'enlèvent quand il est mouillé pour repartir, parce que c'est très très très plus hygiénique de repartir avec un maillot. Ouais. Mais du coup, ils restent pas nus, mais ils se mettent facilement à poil quand même quelques minutes. La loi est différente. Dans certains pays, oui, la loi est différente. En Espagne, depuis qu'il n'y a plus Franco, en fait, ils ont voulu historiquement reprendre toutes les lois qui existaient sous Franco. Ils ont balayé, ils ont effacé toutes les lois qu'il y a eu sous Franco. Et si vous voulez, la question de la nudité, la question de la moralité publique a été mise de côté. C'était vraiment pas le plus urgent. Et donc, de fil en aiguille, ça a été plus ou moins oublié, parce qu'il y avait plus urgent à faire. Et au final, ça a été. Il n'y a rien eu d'établi concernant la nudité, du coup c'est autorisé. Alors, pas non, forcément dans toutes les régions. En Galicie, c'est assez conservateur, c'est assez mal vu encore. Mais sinon, en Catalogne, on peut être mieux partout. Ouais, en Catalogne, en Autriche, on peut être mieux partout. En Allemagne, en Suède. En Nouvelle-Zélande, alors c'est étonnant parce que la Nouvelle-Zélande c'est vraiment plus loin d'ici, parce qu'on pourrait dire que c'est uniquement en Europe, mais en Nouvelle-Zélande il y a un cycliste naturiste qui faisait du vélo nu, en, vélo de course hein, sur le béton. Je ne préconise pas. Et donc il a gagné, il a eu une plainte contre lui, il a gagné son procès, du coup on peut être partout en Nouvelle-Zélande depuis de la milieu des années 2000 je crois, c'est récent. Donc il y a des associations de randonneurs naturistes qui ont été créées là-bas. Et sinon, dans le Vermont, aux États-Unis, on peut être partout aussi. Il y a certaines États où on peut être venu sans aucun problème de justice. On n'a pas une, la sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là, comme ça. Après, il y a la loi et ce que les gens font. Par exemple, en Finlande, la loi est très, très large. Mais quand je suis allée en Finlande, donc j'ai demandé où il y avait des plages naturistes. Et donc, ils m'ont dit, oui, vous en avez deux en dessous d'Helsinki. Une pour les hommes, une pour les femmes. Voilà. Ouais. Donc, Mais par exemple, la question de la nudité dans les vestiaires, les vestiaires et les douches des piscines, ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Ouais. En France, on prend sa douche avant d'aller à la piscine en maillot. Alors que dans certains pays, les pays scandinaves, j'en connais certains, où on prend sa douche nue. Il y a même des dessins où on voit le corps nu d'une personne. On entoure les aisselles, les zones à savonner en priorité, les aisselles et le sexe. C'est le sexe, c'est ça. C'est beaucoup plus normal. En Allemagne, dans les hammams et compagnie, c'est vraiment interdit de mettre un maillot. C'est pas particulièrement des lieux naturels. Parce que par hygiène, ils estiment que le maillot, c'est mixte. Ah oui, moi je suis avec des copains en vénos et on s'est tous retrouvés un peu. Ah, une fois qu'on passait le truc, c'était obligatoire. Il y a des différences face à la question de la. Aux Pays-Bas, c'était le cas il y a une dizaine d'années. J'ai appris qu'aux Pays-Bas, il y avait un seul sauna où le maillot était autorisé. Il n'était même pas obligatoire, il était autorisé. Un seul sauna dans tout le pays. Oui, c'est ça. Les autres, ils étaient mis obligatoires. Il y a un très chapitre. En Suède, il y a aussi une émission de télé où, sur l'éducation sexuelle où on présente avec des gens nus à la télé en montrant, ça c'est les gonades, etc. Il est nordique en rapport au corps, plus étendu. Mais si on fait ça de toute manière, c'est la conséquence aussi qu'on a un rapport au corps étendu. Peut-être le fait qu'ils sont plus, on va dire, assez protestants que nous, on est catholiques. Non, ça fait regarde, aux États-Unis, ils sont protestants. Tiens, pas plus dit bon que. C'est le bonbon, c'est pas les mêmes protestants. C'est pas les mêmes. C'est pas que des mormons. Pour revenir au vélo, là, il y a une époque, on entend moins parler, qu'il y a eu des manifs à vélo, nus à vélo, pour. Montrer que le cycliste, il est vraiment fragile par rapport aux bagnoles, puis c'était surtout des magnifiques écolos, mais je crois que c'était à Saragosse ou au Barcelone. C'est toujours, c'est impressionnant le nombre qui sont. Ça existe toujours. Alors, au lieu de faire un tour en France, on a un copain qui a participé, mais c'était quelques dizaines, et ils ont été dispersés à Paris, ils ont été dispersés par la police très vite. Oui, Avignon, cette année, il s'est annulé par un café sexe. Les cycles nus, la nudité est utilisée comme un symbole pour montrer qu'on est fragile par rapport à la circulation urbaine. Nous, il n'y a rien qui nous protège en cas d'accident. On n'a que notre peau, ce n'est pas un t-shirt qui va nous protéger si une voiture qui nous percute. On n'a pas de carrosserie. Notre carrosserie, c'est la peau. Donc la nudité, elle est utilisée en tant que symbole. Et en général, quand on est nu sur un vélo en ville, on est vite vu. les photos et les petits films de manif, c'est impressionnant. Donc le but, c'est évidemment de faire quelque part un petit peu le buzz, mais de parler du problème du vélo en ville. vont lancer quelque chose. Oui, ah oui, apparemment. J'ai eu un accident. Mais la cyclonie, c'est. Alors, certains naturels n'aiment pas que je le dise, mais pour moi, la cyclonie, c'est pas une démarche naturiste. Oui, non, c'est une démarche de défense du système de l'environnement. D'accord. Un aspect très intéressant de ce que vous avez dit, c'est le glissement. Enfin, moi, je pensais à l'aspect social. Parce qu'on est parti d'une société, enfin, les premiers nudistes de Marseille, très élitistes et même conservateurs. Le père de l'abbé, par exemple, c'était l'avocat de la mairie contre la commune de Marseille. L'avocat de Frédéric Mistral. Oui, oui, mais je vous dis aussi qu'il a été l'avocat de la mairie de Marseille à l'époque. Il y a eu toute une série de procès assez importants, hein, puisqu'on a demandé beaucoup de réparations contre les dégâts de la commune révolutionnaire. D'accord. Et Ludovic Lebray a écrit, a été assez virulent contre la commune de Marseille. Donc, politiquement, socialement, ils étaient très, très conservateurs. Alors, moi, j'ai deux questions. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez un petit peu. Si vous connaissez la réaction de leur société à ça. Et puis la deuxième question, c'était aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques éléments pour voir sociologiquement qui s'intéresse, qui s'inscrit par exemple au club, socialement, hein, de façon globale. Hein. Mon association, il y a à peu près tout le monde. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de chômeurs ou de smicards parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Ils vont tenter un petit peu les sous qu'ils ont à la fin du mois. Mais c'est vrai que le naturisme, ça touche quand même une classe relativement aisée. Je ne sais pas comment on appelle ça, CSP plus. Parce qu'en fait, il y a. Je ne sais plus comment s'appelle cette pyramide des besoins là. Maslow. Oui, voilà, Maslow, pyramide des besoins. Les gens qui ont des faibles revenus, ben, leur besoin principal au départ, c'est se nourrir. Puis après, c'est fonder une famille. Une fois qu'on a le travail, fonder une famille, se nourrir, on a des recherches un petit peu spirituelles. Et donc, les loisirs viennent pas en premier. C'est quoi le verbe que tu avais dit au tout début? Se réaliser. Ouais. Ouais, là, il est tout le temps dans ma soirée. Bon, après, il paraît que la base première maintenant, c'est la Wi-Fi. Ça, c'est une blague que j'ai vue sur Facebook. On permet une base d'eau à visiter. Chez les enfants, c'est ça. Chez les ados. Mais voilà, c'est pour ça que peut-être que dans le mouvement naturiste actuel, les adhérents ne sont pas forcément. Des chômeurs, des syndicats, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a des directeurs d'entreprise. Et là, moi, quand je regarde dans notre bulletin d'adhésion, on met de la profession. C'est pas quelque chose que. Des fois, je le lis, mais quand je le lis, je ne le retiens pas. Mais des fois, quand je vois la profession de certains, quand même, des professeurs d'université, des docteurs en droit. Après, il peut y avoir des facteurs, il peut y avoir de tout, hein, des mécaniciens. Et maintenant, on avait aussi une fois un prof de natation qui nous a bien servi parce qu'il m'a appris à nager à mon fils. Parce que même pour apprendre à nager pour des gamins ici, c'est dur, Marseille. On a un peu de tout quand même, hein, globalement. Et puis, on est une association assez jeune, enfin, même si depuis 10 ans, on vieillit. Mais on est une association assez jeune, globalement. À peu près, bon, assez jeune, entre guillemets. Et est-ce que le nombre de nudistes augmente ou il est stagnant depuis... Je pense que le naturisme épouse un petit peu les défauts de la société actuelle, malheureusement. C'est qu'elle devient individualiste. Ouais. Comme tout le monde, les naturistes ne ressentent pas forcément le besoin d'être fédérés, de rejoindre une association. Et se disent, ben, moi je vais faire du naturisme seul, je vais avec ma femme, j'ai besoin de personne. Quoi. Ils ne sentent pas forcément le besoin d'être défendus, de se retrouver avec d'autres personnes, de partager un bon moment en commun. Et ils ne se rendent pas compte que s'ils ne se regroupent pas, ben, le naturisme va se perdre. Parce qu'on a quand même moins de force seul qu'un temps en faisant des sorties à 30. Quoi. Quand on débarque dans un lieu à 30, les personnes vont nous dire vous n'avez rien à faire ici. Voilà. Enfin, je ne parle pas d'un site comme Port-Pin très fréquenté, hein, mais je prends une petite calanque comme le Quéron, par exemple, qui est relativement tranquille. Donc, alors qu'un groupe peut être emmerdé. C'est un peu le but de mon association, c'est de permettre cette sécurité à une femme seule de venir nous rejoindre, par exemple. Et c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de nudisme. Il y a 20 ans, 30 ans, on avait la carte de la fédération. De la fédération. Même en Corse, il a demandé, enfin le courrier. Oui. Maintenant, c'est illégal de demander la carte de la licence par un centre de vacances. C'est assimilé à de la grande force. Ah, d'accord. Depuis 2001, c'est illégal. Et là, maintenant, les centres de vacances ne demandent plus la licence. Mais ça dépend si c'est un lieu associatif. Alors, si c'est un lieu associatif, ouais. Ils ont le droit. Mais un centre de vacances commercial, non. Et c'est ça qui a tué l'association qui est morte. C'est ça qui a mis. Pour l'association en 2020, les naturistes de Provence ont décidé d'arrêter. Pas pour ça, c'est parce que, en fait, le conseil d'administration et le bureau, le président du lycée et le président avaient d'autres soucis, des soucis de santé familiaux. Et ils n'arrivaient pas à trouver une autre personne de volontaire pour prendre le relais. Et depuis une dizaine d'années, ils ne faisaient plus d'activité, ils ne faisaient plus trop de sorties. Et donc, du coup, ils ont décidé d'arrêter. En fait. C'est souvent comme ça que les associations meurent, c'est parce qu'il n'y a pas de relève. Hein. Oui. C'est pas uniquement pour le naturisme, hein. C'est un peu le cas pour tout le monde. Hein. Et du coup, c'est parce qu'il y a moins l'intergénérationnel. Oui, il n'y a pas de relève, où il n'y a pas de relève, les enfants ne sont pas forcément intéressés. Il y a peut-être une lassitude aussi, quelque part. Le vieillissement des adhérents. Nous, pour l'instant, chaque année, on perd à peu près 30-35 adhérents. Et chaque année, on en a à peu près une quarantaine de nouveaux, ou 30 nouveaux. Donc il y a un renouvellement pour l'instant, mais le renouvellement, il ne va pas se faire à vita eternam, quoi, au bout d'un moment. Sur combien tout, quoi. Combien d'adhérents? On est entre 230-250. D'accord. C'est vrai que je pense qu'on atteindrait facilement les 300, même plus, si on avait une créneau piscine. Et du coup, tu disais c'est cher pour Ah, nous, on n'est pas cher. Nous, on n'est pas cher. Nous, la licence, nous, adhérer chez nous, c'est 12 euros. L'année. La licence, ouais. Et la licence, parce qu'on n'a pas de frais, on n'a pas un terrain. Vous n'avez pas un bateau Non, ouais, non, rien. Donc, mais pour d'autres associations, c'est un peu plus cher, ceux qui gèrent un terrain, ceux qui ont une démarche, on veut dire, participative pour l'entretien du terrain, adhérer, ça peut être 200 euros l'année. Ouais. Et la licence coûte 23 euros. Donc c'est 35 euros pour une personne seule chez nous, 70 euros pour un couple. La licence, c'est quoi? La licence de la Fédération Française de Naturisme. C'est l'argent qui va à la Fédération. C'est la licence de la Fédération, c'est pour... C'est pour avoir la carte de la licence et être défendu par la fédération en cas de souci, en cas de. Il y a une assurance intégrée. Pour le coup, quand on va au village naturiste de Caldad, on est obligé de s'affilier. Ouais. Pour le coup, là, on est vraiment obligé de prendre une carte, on rentre facilement. Ouais. Que ce soit pour la journée ou pour la semaine, il y a plusieurs forfaits. Mais... Et ça inclut l'adhésion à la. Ouais. Ouais. Le Caldad, maintenant, il n'est pas très apprécié par les naturistes dans le sens où c'est pas un lieu où je dirais qu'on peut y aller avec des enfants. Parce que les enfants, vous pourrez voir des choses. On est un certain nombre à se battre pour continuer. Et c'est quand même pas que un lieu de débauche. C'est pas que. Moi, j'y vais avec mes enfants. J'y suis allé une après-midi. Je suis pas allé du côté de la baie des cochons. Ce que j'ai vu dans les allées. Le lieu de débauche, oui, partout ça. Ça s'appelle la baie des cochons. Ouais. Mes parents, c'était le nom d'origine. Ça fait depuis le début, c'est comme ça. Mais il n'y a jamais eu d'enfant là-bas, du coup. Je suis allé dans un après-midi, justement, pour voir mes yeux, ma femme, ce qui s'y passait, pour parler en connaissance de cause. Et rien que dans les allées du village, sans se aller sur la plage, j'ai vu une femme se faire très mal en laisse par son mari. On est normalement, il n'y a pas. Quand il y en a qui font ça, il y a toujours des gens qui vont leur dire non, faites pas ça parce que la journée, il y a des enfants et que. C'est après une certaine heure, oui. Mais c'est normalement. Ça n'a pas dû durer. Non, il y a quand même énormément de familles avec des enfants. On est quand même beaucoup à y aller avec les enfants. Ouais. Il y a l'ancien président de la Fédération française qui avait un studio là-bas, qui a beaucoup fait pour défendre le naturisme et pour s'opposer à la dérive, après chacun fait ce qu'il veut, mais qui ne le fasse pas comme ça en public, et qui a été menacé. Hein. Il a été menacé, il a dû vendre son studio, il a eu les roues de sa voiture crevées, on l'a menacé physiquement. Enfin, moi, je fréquente chaque année depuis des années, et ça, c'est des dérives vraiment rares. Tout de suite, on explique aux gens, non, ça se fait pas, et ils le savent. Peut-être un peu usant d'expliquer ça, quoi. Non, mais je veux dire, vraiment, ça arrive pas. C'est pas un truc, c'est pas du tout banal de voir ça. Après, il y a des vitrines qui m'ont un petit peu quand même perturbé dans un lieu naturiste. Quoi. Des vitrines très sex-shop, quoi. Ouais. Avec des tenues et des objets. Ah oui, non, il y a plein de choses à dire à négatif, je suis d'accord. Ouais, dans un lieu naturiste, j'ai pas forcément envie d'avoir l'impression de me balader sur la canne bière comme c'était avant avec les sex shops. Tous les campings naturistes ne sont pas comme un camping, ils sont très fréquentés. Et il y a même des campings associatifs. Oui. Il y en a à peu près 80 de campings associatifs qui sont vraiment très très bien. Ce sont des lieux de vacances très agréables. Non, le Cap-d'Agde, c'est vraiment l'exception. C'est vraiment c'est pas un lieu que je conseillerais pour des gens qui veulent découvrir la nature. Après, bon, c'est vrai que c'était idéalement, c'était un beau projet, puisque ils voulaient insérer le naturisme dans un aspect, on va dire, citadin, une ville naturiste. Moi, je trouve que là-bas, c'était un super projet, quoi, très d'envergure. Mais malheureusement, quand au milieu des années 80, ils ont remplacé le lieu la zone de jeux pour enfants par une boîte à partout. Oui. C'est là où ça a commencé. C'est au départ qu'ils auraient dû dire. Mais après, il paraît que c'est très. Peut-être que les boîtes de nuit et tout, mais après, je sais pas. Boîte, donc, ils ont un gros poids. Et quand on remplace le toboggan des lieux de jeux pour enfants par des boîtes comme ça. Non, mais il y a encore beaucoup d'anciens qui défendent un certain goût, justement, oui. Pour le naturisme des années 60. Moi, j'en connais plein. Il y a quand même aussi ça. Alors, on ne peut pas s'arrêter juste aux émissions TF1 qui montrent le côté très débauché. Je ne serais pas allé, c'est vrai que je pourrais en douter, mais en une après-midi, juste une après-midi. Hein. Au bout d'une heure, il va falloir. Moi, après, je suis tolérante, j'aime bien voir de tout et j'aime bien ce mélange de genre. Ça. Même si moi, je ne participe pas, ça ne me dérange pas, en tout cas. Oui. Bon, c'est pas que ça m'a dérangé, c'est un endroit hyper joyeux, hyper bienveillant. Oui. Moi, c'est pas que ça me choque. C'est pas quelque chose que je veux voir dans un lieu naturel. Oui. Après, chacun. Je sais pas, ils sont là. Du coup, je connais rien, mais il me semble que ça qu'on dérive par rapport à l'idée naturelle. Le président, c'est pas le sexe. Normalement, le sexe n'intervient pas dans la vie. Oui, mais avec mon homme, on y va depuis 15 ans et on n'a jamais senti aucune pression. Non, mais c'est pas une histoire présente, c'est une histoire de la philosophie du lieu. Mais c'est une cohabitation. La philosophie, il n'y a pas. Enfin, moi, je l'avais entendu parler de toute façon de Captain Atlin. Je ne comprends absolument pas à l'heure actuelle les ultranationalistes. Mais voilà, enfin, pour moi, il me semble comme ça, là, de l'extérieur, c'est une dérive. C'est pas que ça me gêne, c'est juste que c'est différent. Ouais. Ça me semble différent. Ouais. Ça me semble pas être la même chose. Ouais. Mais tu y vas depuis 15 ans, tu as observé une modification. Bah, je pense que ça arrive avant les événements, les stages. Souvent les clubs et tout ça, finalement j'ai toujours vu ça, là-bas. Après, moi, c'est pas ce que je cherche. Oui, c'est quand les anciens parlent, ils se parlent, ça fait déjà longtemps que c'est ça a changé. Mais enfin, voilà, il n'y a pas que cet aspect-là qu'on voit beaucoup, enfin, dont on entend beaucoup parler tout de suite, la blague, la blague, machin, c'est pas que ça en fait. C'est encore une philosophie. Mais les naturistes, ils ont des vies sexuelles quand même. Ben oui, Mais je sais pas si vous avez vu ce reportage, c'était assez long, à la télé, je sais plus sur quelle chaîne, sur le naturisme. Et... Ça, c'était en Corse, non? Bah, en fait, non, il y avait, ils interviewaient des gens est-ce qu'ils étaient enclins à essayer ou quoi. Et puis, il y avait un couple qu'on voyait en Ardèche, dans les gorges de l'Ardèche, par là. Et puis et ensuite, ils allaient donc à Cap d'Agde. Et ce qu'ils montraient, c'était justement, on voyait des choses qui sont de l'ordre de... je ne vais pas dire s'exhiber, mais se montrer. Donc il y avait la Miss Naturiste, Mister Naturiste, je ne sais pas quoi. Donc c'était un peu, je trouve, une dérive par rapport à ce qu'on entend dans le naturisme où, en fait, on s'exhibe pas comme ça, on est juste simplement nu, quoi, c'est tout. Et moi, j'avais été gênée par ce reportage, parce qu'ils essayaient, l'idée c'était de montrer ce que c'est que le naturisme et d'amener des gens peut-être au naturisme. Et quand on voyait ça, on disait, ça va. En fait, l'émission, la première partie était très bien. Oui. Il fallait oublier la deuxième. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une grosse différence qu'on dit du cadre, par exemple, c'est que les gens se regardent des pieds à la tête, alors que dans les villages naturistes ou les campings naturistes habituellement, c'est justement un truc qu'on fait pas. On ne détaille pas le corps de l'autre. Exactement. Et même, souvent l'usage du téléphone, de l'appareil photo est prohibé. Oui, ça c'est récent. Ouais. Par exemple, dans ce reportage à la télé, il y avait tout un truc sur ces petits cache-textes très fantaisie et tout, qu'on appelle les passeports. C'est-à-dire que au départ, pour aller sur le port, passeport, il fallait être habillé. Non, mais pour être sur le port, il fallait avoir un minimum de vêtements. Mmh. Et en fait, il y a eu comme ça une espèce de dérive de ces cache-textes qui ont été plein de dentelles, de perles, de machins, des strings. Ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. À l'origine, il y avait le minimum pour le vent. Ça venait pas du minimum, l'histoire du passeport aussi? Le vent, oui, en 1931, la nudité était officiellement interdite. Oui. Le vent ne devait pas être nu. C'était un peu comme Physiopolis, le projet qu'avait eu d'Urville à Villaines-sur-Seine, sur l'île du Médan, là où habitait Misola. La nudité était interdite. Mmh. Et donc, comme la nudité était interdite et qu'ils se sentaient quand même relativement très isolés de la vue d'autrui, ils avaient décidé d'adopter un minimum, parce que les seins nus étaient autorisés. Et donc, ils ont créé une sorte de string avant l'heure, un minimum, le minimum du minimum, c'est-à-dire que même le devant, il était tricoté avec des grosses mailles. On voyait, si on était proche, on voyait tout. Mais comme on était censé être caché du voisin, enfin, du pêcheur ou de la plaisance de loin, effectivement, elle avait un maillot, la dame. Mais c'était des grosses mailles comme ça, les minimums. Mais même maintenant, le devant, si tu vas sur le port, tu n'as pas le droit d'être nu sur le port. Non. Que sur le port. Que sur le port. Mais des fois, il y en a qui disent au revoir avec le pario. Une fois que vous êtes parti. Bon, après, c'est un peu ridicule parce que juste à côté, il y a une plage en fait, il y a un site en béton qui est visible du port. Après, je peux comprendre qu'il y ait des limites, des zones comme ça. Bon, par contre, le village, tu peux le traverser nu, la place. Mais la place du village en haut. Mais si tu t'assieds sur... Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. C'est un peu comme le pass. Là par contre, il faut marcher. Si tu dis bonjour, il faut le faire en marchant. Si tu t'assois, il faut t'habiller. Je voulais revenir dans les images quand tu as parlé d'Aliochamp et passé vite, il y avait une espèce de feuille tapée à la machine parce que. Je veux dire qu'Aliocha faisait un petit journal où il racontait ses idées sur l'hygiène, la nature, tout ça. Et sa fille Lola, dont il a parlé, m'en a donné. Je ne pense pas que la collection soit complète, mais il y en a pas mal. Donc cette collection va rejoindre le CIRA incessamment. Mais si tu en as besoin pour l'expo, ou je sais plus comment, voilà, c'est ça. Donc j'ai une quinzaine de numéros comme ça où il y aura. Bon, après, il raconte un peu son expérience de naturisme, il parle de l'anarchisme. Tapé à la machine, ça peut être distribué à quelques dizaines d'exemplaires. Il y a sur l'alimentation, parce que souvent dans ces milieux, les gens étaient végétariens. Tu as parlé des néo-naturiens, des naturiens, parce qu'il y a eu plein de tendances. Alors, il y avait ceux qui étaient, on ne disait pas vegan à l'époque, mais ils étaient vegan, il y avait les végétariens, il y avait les crudivores. Il y avait même un mouvement, c'était retourner à l'âge de pierre. Oui, les naturiens. Mais parce que c'est un mouvement énorme, il y a plein de tendances et de sous-tendances. Alors ça, il y a toute une littérature, on trouve leurs journaux ont été réédités, tout ça. Et c'est assez intéressant. Et lui, il est un peu dans cette... Alors des fois c'est numéroté, des fois non, c'est très compliqué pour avoir la collection et essayer de savoir quel numéro. Il appelait les végétariens les mangeurs de carottes. Ouais, parce que lui il n'était pas végétarien. Non, lui il était. Non. Il vient d'art. Donc c'est un peu sa feuille, c'est ses opinions comme ça, mais c'est vrai, on le dit dans ton bouquin, c'était vraiment un. C'est un personnage, apparemment, il ne peut pas être facile, mais c'était super vivant, ses confines. Vous envisagez de les rassembler, le jour? J'ai regardé, je ne pense pas que c'est un intérêt public. Franchement, c'est bien de les avoir sous les yeux, mais dire ça maintenant, oui, en archive, le consulter, mais l'éditer, j'y ai pensé un moment, mais non, je ne crois pas. Et sa fille non plus, non pas spécialement. Peut-être des extraits, je crois qu'elle voulait faire. On va peut-être faire. Alors d'habitude, au CIRA, il y a des impôts, mais là, évidemment, conditions sanitaires obligent. Vous n'y aurez pas droit. Donc, vous pouvez continuer à rester dans le local, poser toutes les questions que vous voulez. Et je vous engage à ceux qui n'ont pas acheté le livre de Bruno de vous sauter dessus parce que c'est vraiment passionnant. Et puis ça sera là, on pourra se le procurer plus tard. Non, parce que nous, pas ici. Après, il est disponible. Ou chez lui, hein. Et puis la semaine prochaine, même heure, samedi, même heure. Un copain vient de sortir un livre, Au mot et le reste, qui est un éditeur surtout spécialisé dans la musique, mais au niveau social, donc ce sera Brassens militant anarchiste. Donc ça, je suppose que parmi vous, il y a des fans de Brassens. Merci d'être venu.